Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. On était en train de se dire que le nouveau Cigala, il est vachement bien. Ah ouais, déchire. Il est bien pour attaquer la journée. Il est bien pour un mardi 30 août. Ouais, ouais. Tu vois, autant hier pour un lundi 29 août, j'aurais dit, je sais pas comment je me positionne. Pour un 30 août, il est bien. Bonjour tout le monde, mardi aujourd'hui. Oui, notre voix revient tous les matins désormais sur Fun Radio, car ça y est, la rentrée s'annonce. Vous êtes déjà peut-être en plein dedans. Bah, on est là pour vous accompagner. On va arriver là avec toute l'équipe de Bruno dans la radio dans quelques secondes avec le son de Fun Radio. Il y aura Galantis pour attaquer l'émission. Le nouveau Snake. Avec Justin Bieber. Et Jonas Blue avant 6h30. Vous voulez jouer avec nous, vous pouvez le faire. Vous auriez tort de vous priver. Vous appelez maintenant le 3228. Pour nos amis belges, le 02 85 10 000. Il y a un toutou gagné, toutou perdu qui arrive dans quelques secondes avec un overboard, votre PC portable, votre enceinte Bluetooth. Et Bluetooth. Ouais. Complètement Bluetooth. Mmh. Et l'album de Snake, justement là, ça se gagne maintenant. Vous nous appelez, tout ou gagné, tout ou perdu à 6h10. Bruno dans la radio, ça arrive après les news. Mardi, c'est le 30 août, c'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 6h02. Bonjour! Et avant d'attaquer cette émission, je voudrais vous remercier. Vous remercier pour vos messages que vous avez laissés hier sur la page Facebook. Vous remercier pour les milliers, plus de 5500 tweets hier matin entre 6h et 9h pour dire que vous avez adoré notre retour. Et en radio, il y a une règle. Il y a une règle d'or et je parle aux anciens de la radio française. Certains qui sont dans cette équipe tels que Christina. Oui. Je me suis depuis longtemps. Tu le sais Christina, il y a une règle. Quand tu réussis ton retour, la première émission d'une nouvelle saison, il se passe quoi, la deuxième en général? Ça merde. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé que ce matin, à la place de la déconne, nous ferons un programme musical. C'est pas bête. Parce que moi, je veux pas la foirer, cette deuxième émission. Ouais. On prend pas de risque. Je préfère passer des disques. Passer des disques pendant 3 heures, j'annonce, je désannonce, hop, on se pose, on fait que ça, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, fallait nous le dire, parce que nous, on serait restés dormir. Et en même temps, même si cette deuxième émission est un peu moins bien que celle d'hier, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'y aller? Est-ce que ça ne vaut pas le coup, comme chaque matin, de partir au front comme nous allons le faire tous les jours? Je suis d'accord. Le micro au bout du fusil pour réveiller cette France qui ne demande qu'à ouvrir un œil, oui, ça vaut le coup. C'est pour ça qu'avec ces soldats, nous allons le faire, comme chaque matin. Il y a Christina qui est là aujourd'hui. Bonjour à tous, plus motivé que jamais. Il y a Vaché. Bonjour, sapé comme jamais. Il y a Elliot. Parce que moi, j'aimais bien l'idée d'aller sur Facebook et tout quand même pendant 3 heures. Ouais. Non pas que, genre, moi j'aime bien parler dans un micro, enfin, voilà, j'en sais rien, c'était cool quand même, j'aurais pu mettre les pieds sur le bureau et tout. Quand j'ai dit ça, c'est le seul de l'équipe qui s'est dit, ah, putain, cool. Ouais. Vous avez vu sa tête? Christina et Vaché qui étaient pas au courant m'ont regardé en me disant, il est en train de péter un plomb. Elliot a fait putain cool. Ouais, il y avait le petit sourire. Un bon délire. Ouais. Bon, ok, qu'à cela ne tienne, alors allons-y. C'est parti. Hashtag Bruno Fun Radio, on est là sur les réseaux sociaux. Voilà, on est là également sur le Snapchat de l'émission. C'est le Snapchat Bruno Fun Radio pour vivre les coulisses là, de tout ce qui se passe. Il y a le live vidéo sur funradio.fr. On va jouer dans moins de 10 minutes. Tout ou gagné, tout ou perdu. 3228 et le numéro pour nos amis belges qui nous ont rejoints hier, 02 85 10 000. Vous pouvez venir jouer avec nous et repartir entre autres avec un overboard. Mais comme chaque matin, attaquons l'émission avec l'auditeur du jour. Celui ou celle à qui cette émission appartient, le taulier, le patron, le big boss, celui qui peut rentrer dans ce studio via le standard à n'importe quel moment de l'émission, celui qui peut me demander d'aller lui photocopier un café quand il le souhaite, et le celui de ce matin est une selle. Applaudissements pour Tatiana. Ouais. Bravo. Bruno dans la radio. Oh. Comment ça va Tatiana? Eh bien, ça va, merci. Bruno, et toi? Ça va très bien. Tatiana, tu as un nom de héroïne de James Bond. Ah oui? Tu as un, un nom de héroïne, de James Bond Girl. Mais Tatiana, c'est forcément sexy. Et tu t'appelles ouais. Tatiana, t'es forcément jolie. C'est vrai que dans les James Bond, on a rarement eu une Gertrude. Tu vois, autant Tatiana Romanova, une Chantal. On disait, ouais. Hey James Bond, tu vas me faire la billette. Chantal, arrêtez, je vous ai pris comme comptable et vous restez comptable. Tatiana, t'habites à Lodrenec. Ouais, c'est ça. Lodrenec, c'est dans le Finistère. Ouais, c'est ça. Et nos amis bretons qui se réveillent avec Fun Radio, avec les embruns, avec la musique. C'est ouais. Breton ça. Parce que on est dans les clichés, pour moi, les bretonnes ont une coiffe bigoudaine et elles écoutent Radio. C'est obligatoire. Tatiana, alors on a lancé le truc hier et on va le faire systématiquement maintenant, tous les matins. Je le dis pour les nouveaux auditeurs qui... peut-être grâce à ça pourront nous découvrir, et puis je le dis aux fidèles de l'émission qui vont peut-être pouvoir en savoir un peu plus sur nous. Chaque matin, l'auditeur du jour a le droit de poser une question à qui il veut de l'équipe, et la personne de l'équipe à qui il posera la question est obligée de répondre. Tatiana, à qui as-tu une question à poser ce matin ? Alors moi, j'ai une question à poser à Christina. Ok. Oh là là. Je t'écoute. Alors moi j'aurais voulu savoir comment va ta petite fille et comment s'est passé l'été avec elle. Oh, oh. C'est trop mignon. Quel âge elle a Alors elle a maintenant exactement 2 ans et 3 mois. Ouais. Et alors enfin il faut que tu le saches, en fait je l'ai retrouvée hier parce qu'elle était chez ses perdu, parents. Ouais. Non. J'étais au supermarché début juillet. Ouais. Puis, j'étais au rayon légumes, merde elle est où? J'ai dit bon ben elle reviendra tôt ou tard. Et figure-toi qu'elle a gratté à la porte ce matin. Voilà. Et j'ai dit mais tu vois c'est pas bête hein, un enfant, c'est comme les chats, ça retrouve le chemin. Mais non, elle était restée avec papy et mamie au Sable d'Olonne. Elle y était depuis 10 jours maintenant. Et je l'ai retrouvée hier après vous avoir retrouvé vous. Et j'avoue que c'était magnifique. C'est des retrouvailles comme dans un film. J'attendais sur le quai de la gare. Le train arrive. Et là, elle sort du train, elle me regarde, et elle s'est jetée dans mes bras et j'ai pleuré. Ouais. Oh. C'était trop magnifique. Et sinon, l'été, c'est super bien passé. Elle nage maintenant, elle fait des châteaux de sable. Elle nage toute seule ? Parle. Non, avec des brassards. Ah, putain, enfin, disons que je la jette à l'eau, puis je vois qu'elle elle bouge les bras, et quand elle devient bleue, je la sors. Voilà. Et le plus compliqué, ça reste de sortir du sac. N'importe quoi. Elle va trop bien. Merci c'est de poser la question. C'est maman indigne, quoi. On fait un bisou à la petite Romy. Oui. En tout cas, et c'était une bonne question, Tatiana. Merci, merci. Bah oui, moi je sais, je suis maman aussi d'une petite fille, alors je sais ce que c'est. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Manon et elle a 2 ans et 3 mois aussi. Ah ben et elle rentre, elle rentre à l'école jeudi. Voilà. Ah bah, du coup, ça se trouve, vous avez enfanté la même soirée. Ça se trouve, c'est le même père. Tatiana, je te fais des bisous, ma belle. Oui, merci. Bah, je vous embrasse fort, fort, fort et merci d'être là encore tous les matins et vous nous donnez tous la patate. Eh ben, tu sais quoi, ça nous fait plaisir. Oui, Elliot. Personne ne pose la question, mais si ça vous intéresse, moi je sais nager sans brassard. Hein. Et je vois qu'il y en a qui doutent. Alors voilà, je tenais à vous le dire, c'est bon. Cet été, c'est bon. Et c'est comme ça, vous pouvez passer tous les matins et dès 6h poser une question à quelqu'un de l'équipe. Quelle que soit la question, nous y répondrons. Mais c'est depuis qu'on est en Belgique, j'essaye de faire un peu de... C'était du flamand, là, bien sûr. Alors non, c'était du wallon. Ah ben wallon, mais alors au sud de la Wallonie. Ah, bien, bien, il y a qu'eux qui peuvent comprendre. On attaque avec Galantis. Bonjour la famille. Le petit Galantis qui fait plaisir pour attaquer cette journée sur Fun Radio. Le nouveau Snake, il est bien aussi le nouveau Snake. Avec Justin Bieber. C'était bien cette soirée avec DJ Snake à Las Vegas, Elliot. C'était énorme. De ce que je me souviens, c'était magnifique. Genre on a réussi à passer derrière lui, on a fait des selfies. Je pense que je l'ai saoulé au bout d'un moment. Et vu qu'on était rentré dans le carré VIP, moi tu me connais, j'en sors pas. Et donc on avait accès à 3 magnums de vodka qui avaient été pris par des riches américains. Et donc du coup bah j'ai fait des verres 3/4 vodka, 1/4 jus de pomme. C'était où à Vegas? Au XS. C'est énorme. En fait toutes les boîtes elles sont dans les casinos, dans les hôtels. Alors je connaissais pas mais c'est impressionnant. Genre tout est fait pour que tu dépenses ta thune en fait. Pour aller en boîte, t'es obligé de passer par le casino et de descendre dans la boîte, genre. Ah, et quand je pense que moi, pendant ce temps-là, j'étais sur la plage de Méché en Charente-Maritime. On n'a pas ça les mêmes a son valeurs. Charme aussi, Bruno. Ouais, bah il n'y avait pas DJ Snake. Il n'y a pas de casino. Enfin, je crois qu'il a été embarqué par une tempête il y a 6 ans, donc on peut peut rentrer par une fenêtre cassée, il reste une machine à sous. Il y a un casino cafétéria au pire. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, bah, vacher, ça va mieux. Faut que je vous dise la vérité. On parlait là tout à l'heure, grâce à l'auditrice du jour, de Romy, la fille de Christina, et Vacher, qui va être papa au mois d'octobre, nous a donné une info. Il a une petite angoisse. Voilà, vous savez quoi? Ce matin, j'ai envie de lancer un message. Parce que si ça se trouve, il y en a qui écoutent Fun Radio. Donc voilà, j'ai envie de vous poser une question. Si vous êtes sage-femme ou que vous travaillez dans une maternité, dans le milieu hospitalier, est-ce que vous pouvez appeler maintenant au 3228? Je crois qu'on dit pas sage-homme. Pour un homme, on dit sage-femme on également. On dit sage-femme aussi, ouais. Mais il est obligé de s'habiller en talons aiguilles et avec des soutifs et tout ça, c'est le problème. Il faut que vous nous appeliez parce que Vacher a une angoisse, donc il ne va être pas passé prévu pour le mois d'octobre. Ouais. Et le médecin lui a dit qu'il allait avoir un gros bébé avec un petit tronc et une grosse tête. Non, mais en fait, c'est ce qu'on a. Quand on a fait la troisième échographie, on est tombé sur un con, il nous a rien expliqué. Et juste, il a dit oh, vous avez un gros bébé, vous. On a dit, ouais, ok. Il a dit oh, là, une grosse tête. Ok. Bon, puis voilà, on a pris le papier, on s'est barré. Et en fait, si tu veux, à la fin, t'as un récapitulatif avec des courbes. Donc, tu vois la courbe qui dit voilà, un bébé, il doit faire ce poids-là. Bon, nous, il est un peu au-dessus, c'est vrai. La tête, elle doit faire cette taille-là. T'as la courbe de la tête, ok, il est au-dessus. Mais par contre, la ceinture abdominale, elle est normale. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va être taillé en V. Une énorme tête, en dessous, t'as les épaules et en dessous, t'as un tout petit tronc. Si ça se trouve, petits abdos. Il a l'index qui va s'allumer en rouge et il fera papa. Mais non, mais j'ai peur du coup. Tu sais, Bruno, on dirait les petites figurines dans les magasins qui ont un petit corps et la tête qui bouge, tu sais. Oui, c'est ça. Tu mets un petit coup sur la tête. Tu sais, ou les points sur Google Maps, quand tu mets un petit bonhomme, tu sais, pour te repérer. Ah oui. Ils sont en triangle. Je l'imagine un peu comme ça, mon fils. Ça fait peur. En fait, c'est un avatar qui va sortir. Un bitmoji. C'est les bitmoji que t'as sur Snapchat. Ouais. Et ben, c'est un bitmoji. Elle va accoucher d'un bitmoji, ta femme. Bon, vous êtes sage-femme. Est-ce que voilà, vous pouvez venir rassurer Vacher pour lui dire que tout va bien se passer normalement, que là pour l'instant c'est l'échographie, après ça se modifie, ouais, mais, quoi, tu vois. Ouais, mais est-ce que ça arrive genre des bébés qui sortent pas à cause de la tête qui est trop grosse, quoi? Ouais, genre... bien sûr. Et puis bah, il vit, il y a les jambes qui pendent entre celles de sa mère. Et puis la tête reste à l'intérieur. Et alors c'est chiant s'il fume, hein, je peux dire. N'importe quoi. Non, mais je me demande. 3228, vous pouvez nous appeler depuis la Belgique, 02 85 10 000. Allez, on en parlera dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Pour l'instant, on joue. Fred a 28 ans, il est à Nantes. Applaudissements pour Fred. Comment ça va, mon Fredo? Ça va, ça va. Fredo, t'es routier? Ouais. Routier du côté de Nantes? Bah, dans toute la France. D'accord, tu fais juste le national ou l'inter de temps en temps? Non, juste national. Juste le national. On salue les routiers qui écoutent Fun Radio. Ce matin sur Snapchat, j'ai un auditeur qui se filmait dans son camion en disant je t'attends. Mon snap, alors il y a le snap de l'émission, c'est Bruno Fun Radio. Je vais vous filer mon snap perso parce que je fais partager ma vie moi au quotidien. Voilà, je vais être le seul animateur radio à le faire tout le temps. C'est Bruno Guillon Off. O2F. On se rend compte qu'elle n'est pas trépidante du coup. Non, j'ai pas une vidéo. Ouais. Mais au moins, j'ai le mérite d'être naturel. C'est vrai. Ce que je veux dire. Fred, vacances, c'est fait, ça va se faire hein, ou pas? Ah, ça y est, c'est fait, ouais. T'es parti où? Je suis pas parti. J'ai dû garder ma fille pendant mes 3 semaines de vacances. Mais tu sais quoi, c'est ça les meilleures vacances. T'en as profité, ah, j'en ai bien profité. Ah bah oui, c'est sûr. Tu sais quoi, avec un petit barbecue, la piscine gonflable dans le jardin, le rosé qui va bien. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu veux aller à Miami dans des villas géniales, avec des piscines géantes, bien quand même. Et des femmes parfaites qui sont autour de toi et avec qui tu peux coucher dans le plus grand secret. Mais non, tu veux t'occuper de ta fille, va. Bah, tu veux bientôt connaître ça, Vacher aussi. Ah ouais, je sais, ouais, il me tarde. En arrivant sur Fun Radio, tu viens de gagner un hoverboard, un PC portable, une enceinte JBL Pulse 2 et le nouvel album de DJ Snake. Ces 4 cadeaux, ils sont à toi. Ouais. Seulement, Frédéric, il va falloir maintenant les garder. Et pour les garder, il va falloir répondre correctement aux 4 questions que je vais te poser. Pourquoi? Parce que chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. D'accord. Est-ce que t'es prêt? Oui. Eh ben, c'est parti. Les mammouths possédaient un clapet qui protège. Je vais finir cette question. Laissez-moi me concentrer deux secondes parce que moi, le mammouth, c'est majestueux. Tu vois, pour moi, il y a la musique de Jurassic Park derrière moi. Moi, j'imaginais, j'avais tout un truc, un imaginaire au niveau des dinosaures. Ouais. Et là, la question, du coup, fait tomber un truc. Je repars dès le début. Remets la musique. Je me concentre. Voilà, on y retourne. Les mammouths possédaient un clapet. J'y arriverai pas. Je n'ai pas posé cette question. Christina, pose-la pour moi. Allez, ah, oui. Dans la bouche de Christina, elle va être belle. Cette question. Les mammouths possédaient un clapet qui protégeait, écoute bien, leur anus du froid. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais faux. Et non, c'est vrai. C'était pour pas que ça gèle, hein, parce qu'ils aimaient vraiment le très froid. Pour pas que ça gèle et qu'ils chient des icebergs. Ouais. D'où l'expression se peler le cul. D'ailleurs, c'était pas rare. Il y avait le clapet en plein hiver quand il avait mangé un peu des haricots blancs, le mammouth. On entendait la porte qui s'ouvrait. Et puis après, il refermait derrière. C'était le clapet de l'anus. Bon, on rigole, mais tu perds l'overboard. Ouais. On joue pour le PC portable, l'enceinte JBL et l'album de Snake. Voici la deuxième question. Et pour cette deuxième question, je voudrais que nous changions de musique. Et c'est quelqu'un d'autre qui va te la poser, car ici, dans ce studio, beaucoup de gens ont assez au micro. Félindra. Bonjour, Père Fora. Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Bonjour, Père. Bonjour, Père Fora. Bonjour. Et Père Fora, il y a un moment, il va falloir arrêter de travailler, vous reposer, parce que vous allez nous claquer dans les doigts. C'est chaud le long de ma cuisse. Et oui, il faut mettre des couches maintenant. Félindra, tête de tigre de Fort Boyard, s'appelle en réalité. Oui. C'est tout fait. Comment ? Monique. Et il paraît qu'elle rigole quand on... Ouais. Quand on a quoi ? Quand on fait des blagues. Félindra, tête de tigre, son vrai prénom, c'est Monique. C'est vrai ou c'est faux ? Ah, c'est vrai. C'est pas le même délire, tu vois. Monique tête de tigre. Monique tête de chat. Ça fait, on n'a pas de budget quoi. Ouais. Monique tête de con. C'est vrai, tu gardes le PC, l'enceinte et l'album de DJ Snake. Troisième question. L'être humain produit en moyenne 3500 litres de transpiration par an. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? J'adore ce jeu, on apprend des choses. Ouais, c'est sûr, mais... Ouais, faux. Ouais, c'est une bonne réponse. C'est 350 litres. Je t'imagine si en 3500 litres, vous êtes 10 dans la famille, tu mets ça dans une cuve, et l'été, tu peux te baigner dans ta transpiration. Économie. Jardin. Tu gardes le PC, l'enceinte et l'album. Dernière question. Il existe un champignon qui transforme les fourmis en zombies pour se protéger. Est-ce que c'est vrai pour se propager, pardon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai. Oui, c'est vrai. Pour trouver ce genre de questions, hein, en général, c'est vrai, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Fred, tu repars avec ton PC portable, les 5 JBL Pulse 2 et l'album de DJ Snake. Et on t'envoie ça très très vite du côté de Nantes, d'accord mon poteau ? Ça marche, merci la famille. On t'embrasse Fred. Et puisqu'on parle de DJ Snake, le nouvel album, vous l'avez découvert sur Fun Radio, c'est le tout premier extrait. Il l'a pas fait avec n'importe qui, notre poteau DJ Snake. Il l'a fait avec Justin Bieber, Let Me Love You. Salut, c'est DJ Snake. Le matin, on se réveille avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Et il a bon goût. I used to believe you. Il y a le chiffre du jour qui va arriver là tout à l'heure, 6h30, réflexe du matin sur Fun Radio. C'est bien de se réveiller avec deux ou trois habitudes qu'on avait l'année dernière. Chiffre du jour, ça en fait partie. Je vais avoir besoin de gens là, au 32-28. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de vous pour compléter cette phrase. Quand on tombe amoureux, on perd deux. Mais de quoi ? Alors, deux, alors précisons, Bruno, deux, le chiffre deux. Ou le dénominateur commun. Merci un peu, ouais. Elliot, je reconnais bien là l'élève pointu de... de Harvard, hein, je crois. Il est allé aux États-Unis pour faire ça. Il a fait Harvard dans un premier temps. Et Sciences Po. Et après Sciences Po. Et après que, bon, finalement, il est rentré en France et même pour un BEP, ils t'ont pas pris. Hein. Donc, c'est on perd en moyenne 2 le chiffre. Dakota, quoi. Ouais, okay, super. D-O-U-X. Exactement. Ok, merci Bruno. Est-ce que c'est pas 2 kilos, Bruno? Parce que quand on tombe amoureux, on n'a plus très faim. Ouais, au contraire, quand tu tombes amoureux, en général, tu bouffes. Après, ah bah, pas moi. Hein. Bon, ben, je sais pas, on demande aux auditeurs. Vous nous appelez, on en parlera ensemble juste après les infos. Wow. Sérieusement, il y a une case qui vous manque, quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Bâché. Oh, goussi. Bâché Junior qui arrive. C'est marrant, les pleurs d'un bébé. Avec, c'est pas du tout agaçant, ça va être énorme. Avec ce petit tronc et cette grosse tête. Ouais. C'est l'angoisse de Vaché. Voilà, la dernière échographie, le médecin a dit qu'il y avait un gros bébé avec un petit tronc et une grosse tête. Ouais. Et Vaché se dit, mais comment est-ce que ça va sortir? Mais au pire, Vaché, tu sais quoi? Celui-là, tu le mets de côté, s'il te plaît pas, et t'en fais un autre. Bien sûr. Non, je sais pas, mais j'essaie de le toucher quand même à travers le ventre, parce qu'on peut le sentir maintenant. Et j'essaie de toucher sa tête, voir si elle est énorme. Et c'est vrai qu'il y a tout un côté du ventre de Mariana qui est tout dur. Je me dis, c'est pas possible. Mais non, c'est ses fesses. Ah bon? Bah, je touche les fesses de mon fils. Ok, il est pas sorti que déjà j'ai un procès au cul, moi. Florent est à Bordeaux, il a 27 ans. Bonjour Florent. Bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Bon, alors, et Florent, bah, et, voilà, tu confirmes ce que je disais tout à l'heure, tu es sage-femme. Eh bien, il paraît, je suis sage-femme, en effet. Il n'y a pas de sage-homme. Tu œuvres où? À l'hôpital à Bordeaux? Alors moi, j'ai travaillé à l'hôpital et là, actuellement, je suis plutôt en libéral. Donc, d'accord. Okay. Je fais beaucoup de suivi de grossesse, pathologique, pas pathologique, enfin, je vois beaucoup de monde, mais plus en hospitalier, donc j'ai quitté l'hôpital. D'accord. Alors, essaye de rassurer Vaché, si tant est que ce soit possible. J'ai bien compris qu'il était un petit peu inquiet. Voilà. Donc, alors, je t'explique le problème. Dernier écho, il y a une grosse tête et un petit tronc. Mais il va être carré comme lui, il va être taillé comme un Apollon. Non, mais tu vois, la ceinture abdominale, il est dans la courbe du milieu. Ouais. Et tout ce qui est tête et je sais plus quoi, tête et poids, ben il est dans la ligne qui est tout en haut, quoi. Eh ben, non, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ils font des mesures, donc avec des échos, forcément, ils te comparent ça à des mesures, des milliers de bébés qui sont en fait au même terme que celui de ta conjointe, et ils vont te classer sur des bébés qui vont être un petit peu au-dessus, un petit peu au milieu et un petit peu au-dessous, et ils vont faire ça pour chaque mesure. La tête, en gros, le périmètre abdos. Tu fais une phrase compliquée pour me dire que mon bébé sera moche. Non, pas du tout. Mais c'est pour te dire que, bon, en gros, si le médecin il t'a juste dit ça, c'est qu'il a pas pris les bons mots et que ton bébé il est complètement normal, quoi. Tu vas y voir. Une fois à l'arrivée, il va être proportionnel, y a aucun souci. D'accord. Hein. Mais ça arrive, genre que la tête passe pas pour un accouchement, genre, je dis merde. La tête passe pas. Quoi. Bah, on va pas parler de choses qui font peur, mais ça peut arriver, en effet. Et dans ces cas-là, il y a des solutions, il y a des césariennes. Exactement. Non, où il le laisse dedans. T'as vu le film Alien? Et bah, c'était ça. On veut pas le laisser sortir, il sort. Non, mais on arrive toujours, ça c'est sûr. Je sais pas quand, mais en tout cas, elle arrivera à accoucher sans. Elle arrivera, ça c'est certain. Non, donc, mais c'est, le c'est vrai. Pour vous rassurer, moi vous rigolez, mais ma mère, j'étais trop gros. Elle a accouché par césarienne. Elliot, ça ne nous rassure pas. Non. Florent, je te remercie d'avoir appelé, mon pote. Eh ben, il n'y a aucun souci. Bon courage, bonne journée à tout le monde. Et en tout cas, merci pour votre petite émission super sympa le matin. C'est hyper cool. Eh ben, merci à toi de nous appeler, de nous écouter du côté de Bordeaux. Merci. Vous restez sur Fun Radio, on va revenir dans quelques secondes. Est-ce qu'on se mettrait pas la nouvelle chanson de Nicole Pervers? Ah oui. Ah oui. Nicole Pervers, vous l'avez découvert hier, il est revenu dans l'équipe. Il va passer, il m'a dit qu'il essaierait de passer à 6h30 pour lancer le disque. Bon là, visiblement, il est un petit peu à la bourre. Il a fait une reprise de Soprano. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien, j'ai chaud. Est-ce que vous voulez l'écouter? Bah dites-le là, tiens. Avec le hashtag Bruno Fun Radio, il regarde Twitter Nicole Pervers, ça peut l'inciter là à venir après les news. Merci d'être là la famille, c'est mardi, c'est le 30 août, nous on va vous accompagner là tous les jours pendant toute cette saison. Et si vous arrivez pour la toute première fois sur Fun Radio, soyez les bienvenus, je m'appelle Bruno Guillon, il y a Elliot. Bonjour. Là. Oui. Elliot, voilà, vous le connaissez pas, ce sera votre nouveau meilleur ami là très très vite. Elliot, c'est celui qu'on aime soutenir, hein. c'est le pote qui galère. C'est le petit frère qu'on aime bien. Je suis en train de capturer un Pokémon là. Donc. Voilà, tu vois. Il y a un Evoli, donc et en plus il a un gros niveau. Alors je me concentre. Eh bah, très bien, merci. Je vais capturer. Moi je pense que Elliot c'est plutôt le mec au village qu'on aime bien. On sait qu'il bon, il est pas tout à fait comme les autres, mais il est pas agressif. Et son, ouais, son bracelet électronique le calme de toute façon. Et on l'appelle Corky quand on. Voilà, Christina, c'est votre meilleure amie. Voilà, c'est la bonne copine qui va vous filer des conseils. C'est celle qui a vu le loup déjà, Christina. Ah oui, ouais, je l'ai vu et plusieurs fois. Bonjour. Il y avait plusieurs loups en même temps des fois dans la grotte. C'est ce que dit la légende. Vacher, voilà, Vacher, c'est celui qui est en bout de table quand vous faites un repas de famille et vous attendez toujours la bonne vanne. Quand l'ambiance est un peu tendue, c'est il y a toujours un oncle qui se frite avec votre daron, etc. Il y a un Vacher en bout de table qui essaye de détendre l'atmosphère, ouais, c'est lui. Ça, que je me mets en slip, quoi. Je fais, ah, c'est bon, on va rigoler quand même. C'est Noël, quoi. Et ben voilà, on est votre nouvelle famille, les amis. Et soyez les bienvenus sur Fun Radio. On a le son qu'il faut pour vous réveiller, Nicole Pervers. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. Et dites donc, la petite Tal, elle chante en anglais maintenant ? Qu'elle me prenne pas pour un con, hein, je sais qui c'est. Hein. C'est bon. Eh oh, dis donc. Le nouveau Martin Solveig. J'adore. Martin Solveig, on a fait la dernière émission de l'émission, dernière saison de l'émission, c'était à Ibiza. Dernière émission de la saison, d'ailleurs, je voulais dire. C'était fin juin là, oui, de l'année. Et on est allé le voir mixer sur un coucher de soleil à Ibiza. Oh, oui. C'était énormissime et puissant. Puis on a eu une petite interview aussi avec lui, une longue interview qui a duré, je crois, 1h30 sur un espèce de lit posé, ouais, sur la plage. C'était juste énorme. Voilà. Bah, sache, Martin, que je t'aime. Depuis, tu ne m'as pas écrit, tu ne m'as pas téléphoné. Moi, ces petits regards que tu me lançais avec ta moustache et ton chapeau ont été pour moi une révélation. Alors, si pour toi, c'était quelque chose d'anodin que tu fais à tout le monde, sache que pour moi, c'était comme une flèche que tu me balançais en plein cœur. Ouais. Et aujourd'hui, Martin, mon cœur saigne. Martin, je t'aime. C'est beau. De toute façon, je pense que c'est parce que t'as toujours été sensible à la moustache. C'est pour ça que t'as engagé Christina, d'ailleurs. Ça faisait longtemps, ça. Tu te débloques avec ça, bon. Allez, c'est le chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. J'avais oublié la nouvelle musique du chiffre du jour. Non, attends. Et ça, je peux dire. Alors, hier, je t'avais fait goûter un truc. Là, ce matin, c'est de l'afghan. Ah ouais, ouais. Tu vas voir. Mais en pas beaucoup, surtout parce que il t'emmène, mais loin. Ouais, non, pas besoin de tabac avec celui-là. Juste je me un suis banc. Fait un bad hier. Ouais. Mais comment te dire. Je suis devenu complètement dingue. J'avais des géraniums qui me poussaient sous la voûte planteur. Bon, alors, il y a cette question que je vous ai posée tout à l'heure qui a un rapport avec le chiffre du jour et je disais voilà, j'ai besoin de vous là pour finir cette phrase. Quand on tombe amoureux, on perd 2, le chiffre 2, et il faut trouver la suite. Karine a appelé depuis Grenoble et Karine, je crois qu'elle était un peu d'accord avec Christina. Bonjour Karine. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Toi aussi tu penses qu'on perd 2 kilos quand on tombe amoureux? Ouais, tout de suite. Mais après, on en reprend 10. Mais oui, alors, au tout début d'une relation, en général, t'oses pas manger ou tu fais gaffe à ce que tu manges. Donc, je pense que tu perds du poids. Et effectivement, tu as raison. Après, avec le temps, tu en reprends. C'est ça. Ça veut dire que, selon votre technique, si j'ai bien compris, si Adèle tombait amoureuse tous les jours pendant à peu près 3 mois et demi... Normalement, dans 4 mois, elle a le physique de Clara Delevingne. Oui, mais tu sais qu'elle a perdu beaucoup de poids, Adèle. Donc je crois qu'elle est bien amoureuse en ce moment. C'est parce que ça fait couper les cheveux, mais bon. À part ça, je vois pas. Oui, vous êtes sur une émission, on peut se moquer des gros aussi, de temps en temps. Non, voilà. On a le droit. Moi, j'ai pris 6 kilos cet été. J'ai passé mon temps à tremper des pizzas dans de la sauce. C'est à la mode, alors c'est une bonne technique. Karine, c'est pas les kilos. Eh ben tant pis. Tu sais quoi, j'ai envie de t'offrir un agenda Fun Radio. Ah, super. Je veux bien, ouais. Et bah, de toute façon, même si tu ne voulais pas, je te le renvoyais. De toute façon, c'est une partir. Obligation. Je te fais des bisous, mes chéris. Gros bisous. Bisous. Cyril, il est à Châteauroux, il a 16 ans. Salut, Cyril. Salut, Bruno. Salut, la famille. Salut. Bonjour à l'Indre, qui se réveille avec Fun Radio. Mon Cyril, d'après toi, on perd quoi? On en perd 2 quand on se met en couple, quand on tombe amoureux, en tout cas. Alors moi je pense que c'est 2 heures de sommeil, parce qu'on est souvent sur FaceTime, Snapchat, les SMS et tout ça, et on perdrait 2 heures de sommeil. Ah c'est bien vu ça, ouais. Pas bête, ouais. Tu dis FaceTime toi, donc ça veut dire que tu dis Facebook aussi. Oui, non, mais non, mais tu sais, sur iPhone, tu fais des cams et tout, tu vois. Oui, oui, on a bien compris. Bah c'est bon, j'ai compris. Cyril, c'est pas deux heures de sommeil. Moi, je croyais que t'allais me dire deux heures de sommeil parce que du coup, au début d'une relation, t'arrêtes pas de faire l'amour. Bah oui, bien sûr. Tu calmes. Ah oui, il y a aussi ça, oui. Ah, bien sûr. Ouais, mais à 16 ans, tu dors pas avec elle, donc voilà. C'est ça. Et enfin, à 16 ans, tu peux. Enfin, bon. Hein. Cyril, c'est pas deux heures de sommeil, je t'embrasse. D'ailleurs, on se fait avoir à chaque fois parce que moi, je parle de ma relation perso. Je sors avec ma meuf. À l'époque, vraiment, pendant trois jours, on a fait l'amour, genre pendant cinq heures par jour. Okay. Non, mec, et après, genre, quoi? Du coup, je suis sorti avec ça. Je vous jure que c'est vrai. Je suis sorti grâce à ça. Avec elle, et après plus rien. Genre elle m'a vraiment arnaqué. Ah. Genre aujourd'hui, genre je me suis fait arnaquer. Mais Elliot, si vraiment t'arrives à faire l'amour pendant 5 heures, si jamais on fait Koh-Lanta tous les deux, c'est toi qui allumeras le feu, mec. Parce que moi je suis pas capable. Il y a eu des pauses, je te rassure. Ah oui, merci. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que pour Elliot, les préliminaires, c'est déjà quand t'enlèves ton jean, que t'enlèves ta chemise, donc ça compte dans le temps pour lui. Bon, les amis, je crois qu'on est chaud pour accueillir Nicole Pervers, hein, du coup, avec cette discussion. Et je vais vous donner quand même le résultat du chiffre du jour. Quand on tombe amoureux, on perd en moyenne deux amis. Ah ouais. Ah oui. Ah parce que tu t'éloignes, il y en a qui sont jaloux, Ils sont un peu jaloux. Comment ça va, Nico? Ça va hyper bien. Bonjour à la France. Bonjour Bruno. Bonjour Christina. Bonjour Elliot. Comment ça va? Bonjour la Belgique. Également, on est en Belgique, Nico. Bonjour. Il y a des Belges qui écoutent. Vous voulez voir ma frite? Avec quelle sauce barbecue? Je plaisante. Ça va. Détendez-vous, les Belges. Vous avez jamais vu une quéquette? Je plaisante. Ils me font chier, les Belges. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils font la gueule. Ouh, allez, on leur envoie ma musique ou pas là? J'ai envie de danser. J'ai envie de me frotter. J'ai envie de danser. J'ai envie de me frotter. J'ai envie de me frotter. Oui, ça suffit. Nico, oh, ça y est, trop tard. Je change de slip. Nicole Pervers. Est sorti de prison il y a pas très longtemps, voilà. Oui. Une sale histoire de mœurs. Il était persuadé qu'elle était majeure, on va pas se mentir. Ouais, puis je croyais qu'elle était vivante aussi. Qu'est-ce que tu veux? Des fois on est mal réveillé. Voilà, je suis pas du matin. C'est la nouvelle parodie de Bruno dans la radio, parodie de Soprano. Je suis en chienne, j'ai chaud. Demain ce sera mercredi, retour du répondeur des enfants. Comme chaque mercredi à 7h du matin, les enfants répondent à des questions qu'on leur pose. Ils ont une semaine pour répondre au 06 34 62 26 28. La question de cette semaine, puisque c'est une semaine de rentrée, c'est qu'est-ce que tu préfères le jour de la rentrée? Le jour de la rentrée, il y a un truc que tu kiffes. Bah tu viens nous le dire. Si t'as moins de 10 ans, répondeur des enfants, c'est 10 ans l'âge maxi. Bon, allez, on peut s'arranger jusqu'à 11 et 12. Oui. Bah, tu vois, c'est ce que dit Jean-Luc Lahaye souvent. Voilà, jusqu'à 12, allez, ça peut passer. 06 34 62 26 28. Voilà, tu réponds à cette question. Qu'est-ce que tu préfères le jour de la rentrée? Vous pouvez le faire avec votre petite sœur, votre petit frère, votre cousin, votre cousine. Voilà, vous lui posez la question et vous enregistrez ça sur le répondeur. On écoutera ça demain. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est mardi et donc le mardi à 7h du matin sera le Vacher Time. Vacher Time ce matin, c'est quoi mon vacher? C'est Madame Relou qui vient. Alors Madame Relou, elle aime bien appeler des gens, elle les rappeler jusqu'à les énerver un petit peu. Et là, elle a appelé un plombier pour lui demander quelque chose, mais qu'est-ce que ça a à voir avec un plombier enfin? On écoute un extrait. Bonjour monsieur, c'est Madame Relou, j'aurais besoin que vous soyez chez moi à midi et demi. À midi et demi? Pour une livraison de maquiton, il m'en faudrait deux, et puis une soupe miso. Madame, je pense que vous êtes trompée parce que vous êtes chez un plombier là. Voilà, et donc pas un resto japonais. Mais on va tester la patience des plombiers parce que pour l'instant il est gentil, mais quand on le rappelle 74 fois... Ça va donner quoi? Rendez-vous tout à l'heure 7h sur Fun Radio. Martin Solveig, le nouveau de Martin. Do it right. Do it right. Do it right. All night. Pour l'instant, c'est Yann qui est à Carcassonne qui nous a appelé au 3228. Bonjour au département de l'Aude qui se réveille avec Fun Radio. Rebonjour Yann. Salut la famille. Bon, Yann, tu veux nous parler de ton chat? Voilà, oui. Il s'appelle comment ton chat? Gribouille. Gribouille, mais il y a beaucoup de chats qui s'appellent Gribouille, hein. C'est très à la mode. Alors que par exemple Jean-Marc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui appellent leur chat Jean-Marc, c'est vrai? Ouais, non, là c'est pas possible, c'est une femelle, donc. Yann, ouais. Yann, comme le dit la chanson concernant la chatte. La bouteille à la voisine, oui. Toucher la chatte à la voisine. Alors, tu connais mon amour pour les chats, Yann. Tout à fait. J'espère que ton anecdote va être sympathique, sinon je vais très vite te zapper, puisque je déteste les chats. Oui, je comprends bien. Ben ouais, la mienne du moins a une particularité très peu commune. C'est-à-dire? Elle est fétichiste des pieds, elle adore les pieds. D'accord. C'est peut-être, Peut-être, Yann, c'est un autre truc, c'est que comme les chats, elle aime le fromage et que tes pieds puent. Oh, mais non, mais ça se traduit comment, être fétichiste des pieds chez un chat? Ben, t'essayes d'acaresser avec les mains, elle aime pas. Ah, tu la caresses avec tes pieds? Ben, une chatte qui aime la caresse avec ses pieds. C'est ça. C'est très bizarre, Yann. Oui, oui, mais justement, je me pose des questions, alors. Donc voilà. Et tous les soirs, c'est les pieds. Donc t'as les pieds. Mais je jamais comprends. Les mains. Moi aussi, les chats, souvent, je les caresse avec les pieds, je les appelle. Oui, mais c'est normal, toi. Mais ah, mon Dieu. Bah, et, tu vois, il y avait 50 nuances de Grey, tu vas pouvoir 50 nuances de Misty Grey. Oui, t'as raison, ça te dérange si je viens filmer chez toi, je suis sûr qu'il y a une catégorie à créer sur YouPorn. Ouais, c'est non, ça. Vraiment, il y a une catégorie pour tout. Sachez que vraiment, chaque... Ah, non, si. pas pour tout. Non. Fétichiste des pieds pour un chat, c'est chelou, j'avoue. Bah écoute, on embrasse Gribouille, enfin on le salue de loin, parce que et d'une je suis allergique, puis de deux avec l'odeur, du coup on va éviter. Yann, passe une belle journée. Bonne journée. Bisous. Bisous. Il y a le JPI là qui arrive, journal pour une image, faux journal de l'émission. Ils ont fait très fort hier. Ils sont un peu sans filtre cette année, je peux pas vous prévenir, ça peut piquer. Ça va arriver après le nouveau Tal. Elle est là, Tal. Are we awake? Oh, English, my sir. I wanna be awake. Tal qui est en train de prendre son petit déj là. Il faut dire que le matin elle a les crocs, Tal. Oh mmh ah, non comme le serpent, oui. Dehors. Mmh. Il paraît que le matin elle fait un petit pétou, elle fait un petit pétal. Ah oui. Dans toutes les vannes que j'ai sur Tal. Oui, d'accord. Moi je continue pas. Hein. Non, mais je vais m'arrêter là, t'as raison. Allez hop, le JPI. Journal pour en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui, nous fêtons les fiacres Fantin, Juvenal et Pamac. Bonne fête et surtout bonne chance. Hein. Et pour commencer, football, l'Olympique de Marseille a été vendu à l'américain Frank McCourt, ex-propriétaire des Dodgers. Alors s'ils veulent aussi acheter autre chose qui ne fonctionne pas, je peux leur vendre ma bagnole. Hein. Internet, Mark Zuckerberg a rencontré le pape François au nom du like, du POC et de la photo de profil. Amen. Alors que la plupart des Français reprennent le travail, certains vacanciers choisissent ce moment pour partir en vacances. Anthony Bossovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement sur l'autoroute du soleil où ces vacanciers filent vers leur lieu de vacances. Mmh. Allez vous faire foutre ! Bande de cons ! Je vous déteste ! Ouais. J'ai comme l'impression que vous êtes un peu jaloux de ne plus être en vacances, Anthony. À dans une heure pour un nouveau reportage. Et pour finir, si vous aimez l'eau minérale et les acteurs américains, buvez de la Kesa Kefron. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Et Fonf qui me faisait signe en disant non, on n'a pas le temps de passer le nouveau Martin Solveig. Si, on a le temps. Ah bon. N'oublie pas, Fonf. Ici, c'est moi qui fais la loi. Martin Solveig, c'est Do It Right. Et c'est pour nous amener jusqu'à 7h du matin sur Fun Radio. Mardi, c'est le 30 août, c'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 7h03. Bonjour. Bienvenue. Sur la première radio dancefloor de France, vous avez choisi Fun Radio. Vous êtes ici chez vous, la famille. Fun Radio, c'est le son de DJ Snake. Fun Radio, c'est la résidence en tant que DJ de Bob Sinclair. On va le passer à 7h15. Et les Chainsmokers. Bon, il faut que je vous parle d'un truc là, avant d'écouter le Vachetaïb. Ce week-end, j'ai fait un truc, fait n'importe quel blaire le dimanche d'un retour de vacances. T'as trompé ta femme ? Hein ? Ah non, pardon, ça, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Pardon, on passe à autre chose. Non, mais j'ai fait mon blaireau du dimanche et je l'assume complètement. Moi, j'ai un côté blaireau que j'assume complètement. Ouais. Je suis allé nettoyer ma voiture à l'éléphant bleu. Bah oui, c'est très bien. Tout le monde fait ça. Voilà. Ouais, ou alors, si t'as une maison, oui, tu peux le faire chez toi, si t'as un Karcher. Retour de vacances, je suis allé à l'éléphant bleu, j'étais très content, nettoyer ma voiture. Donc, tu sais, hop, tu fais un petit coup de Karcher. Alors d'abord, t'as la position lavage, après t'as la position rinçage, puis après la finition. Je mets toujours la finition, je sais pas à quoi ça sert, mais je rajoute un petit jeton pour la finition parce que c'est de l'eau déminéralisée. C'est pareil pour les massages thaïlandais. Moi aussi, ouais, c'est un petit c'est important. Un autre débat, ça. Et après tu passes à l'aspirateur. D'accord. Ouais. Et donc, moi, j'étais en train de nettoyer ma voiture. Et là, il y a un gars qui était à côté avec. C'était une Citroën, je crois. La même que toi, François. C'est quoi la marque de ta Citroën hein? Une DS3 oui, une DS3, ouais, exactement. Et le mec, alors je le dis, peut-être que tu vas te reconnaître, peut-être qu'il écoute Fun Radio, le gars. Le gars était donc le seul à Hardricourt dans le 78. Je donne l'éléphant bleu, je donne l'adresse, hein, je donne une situation géographique pour vous voyez où ça se passe. Le mec avait mis à fond les enceintes de sa voiture avec une compilation de funk. Et honnêtement, le funk, tu vois, j'ai 45 ans, je le sais, j'assume mon âge. Mmh. On est beaucoup d'animateurs radio à avoir le même âge. Moi, je le dis, j'ai 45 ans, je l'assume complètement. Et le mec écoutait du funk. Il y a des trucs que j'aime bien et il y a d'autres trucs, notamment un morceau, c'est ça. Et vous savez quoi? Je crois que peut-être parce que je l'ai trop entendu. Et je pense que pour moi, ce titre-là, Born to Be Alive, au top ringard, il est numéro 1. Ah, j'avoue. Oh, il l'écoutait pas à fond, il l'écoutait à fond les ballons. Là. Exactement. À fond les ballons. Ok. Et le gars, mais je te jure, à un moment, j'ai failli l'arrêter en disant, mec, est-ce que tu peux juste baisser le son, quoi, tu vois? J'avais des compiles Fun Radio dans ma voiture, j'étais à deux doigts de lui filer un CD en disant, mec, il y a des trucs, tu sais qu'il s'est passé des choses depuis 78, je vais te faire découvrir des trucs, tu vois, même pas très récent, genre Avicii, tu vois, qui a plusieurs mois, voire années, c'est bien aussi, quoi, tu vois. Le mec était dans son délire. Et je me suis dit, putain, ouais, Born to Be Alive, je peux plus, moi. Trop ringard. Voilà. Et tu sais quoi, puisqu'on parle de trucs ringards, générique ringard des années 80. Moi, j'aimerais que vous m'appeliez au 3228. Et amis belges, faites l'effort aussi, hein, 02 85 10 000. Vous avez votre standard, vous pouvez nous appeler, ça arrive ici. Et donnez-moi votre titre ringard. C'est-à-dire, le truc, pour vous, il n'y a pas plus ringard que cette chanson. Moi, je sais ce que c'est. Je vais vous le donner, mais ça va parler à tout le monde. Je ne supporte plus ce morceau. Hein. Eh bien, vous savez quoi? On fait ça et avant 7h30, genre vers 7h20, on se fait la compile ringarde. Okay. Les trucs, on peut plus, ça nous saoule. Alors là, moi, c'est un vieux dos, hein. Ça peut être un truc plus récent, peut-être, pour vous. Hein. Ouais. Ben, on en parle. D'accord? Non, mais le mien, allez, il est récent, tu vas voir, ça y est, je l'ai trouvé. Il est sorti il y a à peine même pas un an, même pas. Bon, bah d'accord. Ah bon? Bon, un truc qui est déjà ringard en un an. On fait de la radio ensemble et on voit ça là juste avant 7h30. Pour l'instant, c'est le Vaché Time. Fun. Le Vaché Time. Le Vaché Time. Vaché Time. Oh, j'ai l'impression que Fonf nous a ressorti le générique de l'année dernière. On avait un nouveau générique. Mais j'ai l'impression aussi que je me suis foiré. On a le droit à l'erreur, Bruno. Il est comment le nouveau? Parce que moi, sinon, je vais parler comme l'année dernière si j'ai le vieux. Fonf qui réalise cette émission est reparti. Nom de Zeus, il est reparti à la fin de l'année 2015. Mais je peux revenir en 2016 si tu veux. Bah, ça ferait plaisir. Allez, 2016. Ah, c'est mieux quand même. Bah, et quand même beaucoup plus 2016. On est plus dans le futur, on peut parler comme des robots. Waouh, tu fais bien le robot, Vaché. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Ou de Madame Relou. Madame Relou, elle prend quelqu'un, voilà, c'est sa cible, elle décide de le faire craquer. Là, c'est tombé sur un pauvre monsieur plombier de la région de Marseille. Oh, j'ai fait des bisous. On écoute. Vous allez voir, il s'est un peu énervé. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est Madame Relou. J'aurais besoin que vous soyez chez moi à midi et demi. À midi et demi? Pour une livraison de maquiton, il m'en faudrait deux, et puis une soupe à miso. Madame, je pense que vous êtes trompée parce que vous êtes chez un plombier, là. Ah, oui, ah, j'ai fait un faux numéro. Tout à fait. Ah, je suis désolé. Merci de me l'avoir dit, parce que là, je parlais pour rien, là, du coup. De rien, madame. Merci de votre gentillesse. On aura bien rigolé, au moins. Allô? Oui, bonjour, c'est Madame Relou, je vais vous prendre deux maquis au thon. Vous me rappelez encore un coup, c'est le plombier. Alors, le maquis saumon, essayez de bien l'enrouler, des fois il y a des défauts, j'ai remarqué. Non mais vous le faites exprès ou quoi? Je vais prendre une bière açaï, comme on dit au Japon, hein, je l'adore celle-là. Oh, vous le faites exprès, madame, faites-vous soigner, faites quelque chose. Oh. Allô? Oui, bonjour monsieur, il y a eu un malentendu, je déteste déranger les plombiers. Eh bien arrêtez de m'appeler alors. Et je suis content d'atterrir enfin sur votre service de sushi. Alors je vais vous prendre des maquis thon. Ouais, j'arrive là, j'arrive de suite. Ah, vous pouvez me livrer avant midi? J'arrive chez vous, je vais vous casser la bouche. On est d'accord? Mais... Alors arrêtez. Voilà. Arrêtez parce que j'arrive chez vous, là, je viens chez vous là maintenant. Vous pouvez penser aux baguettes hein, surtout. Madame, arrêtez, il vaut mieux, je perds patience là. D'accord, bon. Non, en fait j'avais vraiment quelque chose à vous demander en rapport avec la plomberie, bien évidemment. Alors qu'est-ce que tu veux? un bon rouleau de printemps. Va te faire reculer, connard. Mais enfin, c'est un rouleau de printemps, il n'y a pas de quoi s'énerver. Je vous jure, les jeunes. Le plombier est un petit peu tendu, je crois. Dans 3 minutes, je paye de la facture, peut-être la vôtre. Ce sera en direct sur Fun Radio, le temps d'écouter DJ Snake. Et vous me faites plaisir, hashtag Bruno Fun Radio là sur Twitter. Ou alors le standard, bien sûr, 3228 pour nous joindre, 02 85 10 000 depuis la Belgique. Vous nous dites votre titre ringard. Voilà, le truc que vous pouvez plus l'entendre, vous en pouvez plus. Moi voilà, j'ai lancé un coup de pied dans la fourmilière ce matin. Moi c'est ça. Je peux plus. Personne qui écoute ça, voilà, je... À un mariage, je pense que je peux casser la sono. Voilà. Et j'en peux plus. Ferme ta gueule, voilà, stop, ça suffit. Et ça fait 30 ans que ça dure, 40, 60, je sais plus, mec. C'est 1000 ans. J'ai l'impression que les Américains ont débarqué en Normandie avec ce truc. Stop, arrêtez tout. Vous nous faites partager les vôtres, on se fait la compile, là, juste avant 7h30, des titres « Vous pouvez plus ». C'est plus possible, mais on s'en remet un petit coup 10 minutes quand même pour voir. Voir si ça nous énerve, nous aussi. On fait de la radio ensemble. Là, tout à l'heure, ce sera juste avant 7h30. La planète People tourne 24h sur 24. On faisait le journal People avant à 8h15 et puis on a décidé d'arrêter le journal People pour déconner un peu plus. Mais par contre, des alertes People, dès qu'il y a une info importante, boum, ça arrive à l'antenne. Christina nous le dit, on parle de DiCaprio. Ouais, un gros scandale. Leonardo DiCaprio qui sera impliqué dans l'un des plus gros scandales financiers de tous les temps. C'est la presse suisse qui en parle, donc c'est de ce matin. Hein. On parle de plusieurs milliards de dollars qui proviennent de fonds en Malaisie. Et alors, il se serait servi de cet argent, DiCaprio, pour financer des films comme Le Loup de Wall Street. Bah, en même temps, c'était raccord. Parce que quand il criait « Je suis le maître du monde sur le Titanic », c'était déjà un peu dans le délire. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et détourner autant d'argent et dormir dans un cheval mort, c'est quand même... alors qu'il pourrait te faire péter une suite dans un hôtel 5 étoiles, faut vraiment être le dernier des cons, excuse-moi. Bruno. Allô ? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h10, 8h10, Fun Radio, c'est la seule radio en France à vous payer vos factures. Voilà, comment ça se passe? Bah, c'est très simple, vos factures, vous nous les faites parvenir ici. Il y a deux solutions, soit le courrier, alors c'est un peu à l'ancienne, la lettre avec le timbre. Tu colles le timbre. Oui, mais c'est pas mal, surtout si vous joignez une petite, une petite carte postale de vacances, par bien exemple. Bien sûr. Alors, bon, c'est quoi l'adresse? Alors, c'est Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008, Paris. Voilà. Bon, sinon, il y a le côté très 2016. Hein, c'est le mail. Le mail, ça marche bien, le mail. Et surtout, ça va plus vite. Facture@funradio.fr. On vous appelle en direct le matin. Eh bien, votre facture, c'est payé, c'est cadeau, c'est pour nous. On part ce matin à Saint-Pavas, c'est dans le 72, département de la Sarthe. On part chez Ferdinand. Allô? Et on réveille Ferdinand. Ah ouais, là. Ferdinand? Ouais. Bonjour. Ferdinand, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Mais non. Ce serait pas Bruno. Eh ben, c'est Bruno. Bruno sur la radio. Ça suffit, mec. Ferdinand, on ne sait pas ce que tu es en train de faire au téléphone. Ah, si, si, justement, on sait. C'est ça qui nous gêne. En fait. Ferdinand, j'énerve. On a l'impression d'être non pas dans Grey's Anatomy, mais dans 50 nuances de Grey. Ah ouais, je dire, j'ai tapé Grey sur mon ordinateur et ça m'a sorti Grey's Anatomy. Ferdinand, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? J'ai 22 ans et depuis hier soir, je ne suis plus étudiant. Mais non, ça veut dire que t'as fini tes études? Hier soir, j'ai fini mes études, j'ai passé ma soutenance, j'ai rendu mon appart à Paris. Ah, génial! Et c'était des études en quoi? J'étais en troisième année d'école d'ingé. Et tu veux être ingénieur dans quoi? C'est une école généraliste, donc le diplôme est généraliste. D'accord. Ah, d'accord, bon, tu vas être au chômage, donc. Voilà. au moins, t'as un diplôme. Ouais, c'est bien résumé, ouais. Tu m'as envoyé une facture de 206,20 €. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. C'est la facture d'un hôtel à Noirmoutier avec ma copine. Ah, tu sais la faire rêver, toi, va. Mais c'est très joli, Noirmoutier. Et il y a eu le film Coup de foudre à Noirmoutier. Voilà. Mais si vous y êtes jamais allé, il faut y aller pour découvrir ne serait-ce que le passage du Gois. Ah, c'était la première fois, ouais. Eh ben, tu vois, c'est ce fameux chemin qui est recouvert par la marée. Bien sûr, ouais, c'est beau ça. Donc, il faut parfois, tu vas te balader dessus, mais il faut regarder les heures des marées parce que tu peux te faire coincer. Ah, et donc tu te noies. Oui. Ah, mais c'est hyper mignon. C'est avec quoi ça m'inspire, ça m'inspire. Donnez-moi la guitare, donnez-moi la guitare. Va, je suis prêt. 1, 2, 3, 4. Noirmoutier. Quand je t'ai rencontré, je m'ai dit je vais te faire rêver. Alors où t'emmener à Noirmoutier? Tu m'as dit je veux voir le passage du Gois. Je t'ai dit quoi? Allez on y va. Où ça? À Noirmoutier. Attention avec moi le public. Noirmoutier. Allez. Où ça? Noirmoutier. Où ça? Noirmoutier. Je t'entends pas à toi le zénith. Noirmoutier. Non, ferme ta gueule le zénith en fait. C'est pas très beau. Ferdinand, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. Ah les gars, vous êtes géniaux. Je te fais des bisous mon pote. Ah c'est gentil, c'est génial. Vous êtes génial. Vous êtes tous géniaux, franchement, continuez comme ça, c'est. Pff, alors réveil là, mais. La vie est géniale, de toute façon, tout le monde est génial. Bisous. On t'embrasse, Ferdinand. Moi aussi je vous embrasse. Ciao, ciao. Oh ça fait plaisir. Cette chanson sur Noirmoutier m'a donné envie. Noirmoutier. Envie de pas y aller. Hein. Non, c'est beau Noirmoutier. Ne serait-ce que pour le sel. Ah oui, il y a du. Oui. J'adore. Un peu comme cette émission qui n'en manque pas. Oh. Enchaînement. Bob Sinclair, il s'est passé un truc super là avec le set de Bob Sinclair. C'était au Pacha Ibiza ce week-end. Il y a les images qu'on tournait sur le net. Il y a Bob qui mixait, d'accord. Et il y a David Guetta qui est venu lui claquer la bise pendant son set parce que bah Ibiza, tout le monde se connaît forcément. Ah, oui. Et du coup, Bob lui a dit bah tiens si tu veux prends les platines. Et t'as David Guetta qui a animé pendant une dizaine de minutes pendant le set de Bob Sinclair. Je trouve ça super friendly. Parce que tu sais, ils ont été tous les trois au départ. Souvenez-vous, il y avait la Fun DJ Academy où sélection, les trois profs, sélection, c'était David Guetta, Martin Solveig et Bob Sinclair. Et ils sont tous les trois restés potes. C'est une belle image. Ça me fait penser un peu à mon mariage. Vous vous souvenez, il y a DJ Loulou là qui habite à Langon qui avait animé, mais le mec à côté c'est David qui lui est DJ à côté de Bordeaux vers Lormont. Ouais. Il lui a prêté les platines. Merci. C'était un moment magique. La presse n'en avait pas parlé. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle en avait rien à foutre. Sûrement. The Chainsmoker, ça va arriver là dans quelques secondes sur Fun Radio avec Closer et puis chanson du jour. Chanson du jour à 7h30. Il y a eu un gros succès sur la chanson du jour d'hier. Ah oui. Le soldat qu'on a eu, le soldat français qui est en mission en OP extérieur. Au Moyen-Orient, qui nous a demandé d'appeler sa meuf pour lui souhaiter un bon anniversaire de mariage. De mariage hein, c'est exactement, ça. 7 ans. Ça a chialé, je peux vous dire, dans les chaumières. Et on a bien aimé ce moment. Bah oui. Chanson du jour de ce matin, on va essayer de régler le problème de Mégane. Elle m'a écrit à bruno@funradio.fr. On est sur une mission rabibochage. Ça va être compliqué, je pense. On sent la mission rabibochage, voilà, veut se remettre avec un ex, il y a eu de la merde. On va vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Parce que c'est le monde à l'envers. Ouais, alors ouais, exactement. C'est-à-dire que d'habitude, en fait, elle est à la place du mec, là. Vous allez comprendre. Vous allez voir. On va vous expliquer à 7h30, mais pour l'instant, je t'en dis bon regard. Voilà, je vous disais ça à 7h du matin. Ce week-end, je suis allé. Parce que moi, j'ai une vie du show business. Hein, voilà. Je fais de la télévision, je fais de la radio. Forcément, j'ai une vie de rêve. Et je comprends que vous m'enviez. J'étais donc à l'éléphant bleu dimanche pour aller laver mon Nissan. T'as pris quel programme? T'as mis le maximum de pièces Ouais, tu sais quoi? J'ai pété les plombs. J'ai acheté pour 20 balles, t'as 10 jetons à l'éléphant bleu, je crois. Et j'ai acheté full jeton, vraiment. J'ai même mis le produit d'abord sur les jantes, tu vois, qui détruit les jantes. Hop. Ensuite, hop, donc j'ai dit hop, lavage, ensuite rinçage et finition, j'ai fait la totale. Wow. Et après, donc au moment de passer l'aspirateur, il y avait donc, je vais l'appeler Jean-Louis. Qui ça lui va bien. À côté, avec sa bagnole, toute porte ouverte, d'accord. Ouais. Il a passé, bon, et en même temps, je peux te dire que j'ai jamais vu un mec nettoyer autant sa voiture. À mon avis, même si Gil Grissom cherche un poil de cul sur le siège arrière, avec du luminol ou quoi, ou qu'est-ce qu'il trouvera que dalle. Parce que le mec, je peux dire qu'il l'a astiqué, sa bagnole. Hein. Et alors, à fond dans la voiture, compile de funk. Alors, moi, c'est ce que je disais. Voilà, il y a des morceaux de funk que j'adore. Tu vois, par exemple, dans sa compile, il y a eu ça. Ça, limite, j'aimais bien. À l'ancienne. Mais alors, à un moment, il y a eu ça. Et là, moi, c'est pas possible. Je veux dire, ça, moi, j'ai un seuil de tolérance sur certains morceaux. Et alors, celui-ci, je peux plus. Born to Be Alive. Ça a été très bien à une époque. Mais je crois que voilà maintenant chaque mariage machin etc. Trop entendu. Bah oui, avec trop. Tata Morissette à moitié bourrée, qui se boit son 14e jet 27 et qui te demande de venir danser. Moi je peux plus ça. Born to be alive. Et j'ai dit eh ben vous savez quoi, on va lancer un message. Vous nous appelez et vous nous faites partager le morceau ringard. Vous en pouvez plus. Je vais commencer avec l'équipe Christina. Allez. Alors moi c'est un morceau qui est un peu plus récent. Je ne le supporte pas parce qu'à chaque fois que ce morceau commence, tout le monde se met à danser de la même façon. Vous allez comprendre. Oh là, je sais. Balance-le, Bruno. C'est lequel ? Le Madison, là. Oh ! Oui, j'en parlais Chris Anderson, hier. Ça s'appelle. Le Chris Anderson. Alors, est-ce qu'on l'a, c'est ça ? Ouais. Voilà, ça. C'est quoi ? Ma meuf, hier, m'a dit, je rêve de danser le Madison. Je lui ai dit, je te vois faire ça, je te quitte. C'est un motif de rupture. Ça, j'avoue. Moi, j'ai découvert ça. J'ai découvert ça en Bourgogne, je crois. Mais c'est une secte. Dans les soirées, et c'est une secte. Ouais. Et tu rentres pas comme ça. Hein. Et tout le monde essaye de faire le même pas. Et donc, et les gens se regardent, ils sont en fierté quand ça repart là. Oui, parce que t'as ceux qui le font depuis des années et du coup ils regardent pas leurs pieds, ils regardent ailleurs, genre je pense à autre chose, et regardez comme c'est naturel pour moi. Et pourtant moi j'ai tenté de rejoindre cette secte à un moment donné, j'ai essayé et en fait moi j'y arrive pas, j'ai toujours un temps de retard, c'est ridicule. Attention, il y a une règle dans le Madison, autant dans le Tour de France par exemple tu chutes, il y aura un autre cycliste qui va s'arrêter et qui va te relever. Dans le Madison, si tu trébuches, que t'es pas en rythme, t'en as pas un qui va t'aider. Il te laisse dans ta merde, il est concentré sur ses propres pas et toi va te faire foutre. Hey, c'est dégueulasse. Dans un mariage, le fameux tonton Jean-Louis, bourré, qui essaye de rattraper tout le monde et qui fait le con seul. Ah, c'est pareil, j'en peux plus. Ah, je supporte pas. C'est quoi, à choisir cette secte-là, moi je préfère aller chez les témoins de Jéhovah tout de suite. Vraiment. Et passer faire du porte-à-porte pour vendre le bouquin Armageddon, la tour de mon cul, là, dès demain. Ça, oui, c'est vrai, je peux plus aussi. Ça, je peux plus. Elliot. Alors, moi, j'ai rien contre ce chanteur parce que bon, il y a quelques titres que je peux aimer, mais ça, c'est vraiment. Comment, c'est nul, c'est horrible, c'est Jules. Alors, c'est une reprise d'Akla. Là, tu me fais le killer. Mais non. Tu n'es qu'un videur. Y'a rien de fantastique. Moi, je rentre en. Mais non. Comment ce mec là, genre en studio, un mec lui dit ouais c'est super, tu vas pouvoir sortir ça quoi. Comment le mec genre, je sais pas comment il a sorti ça dans le studio. Et donc tu dis que Jules est un ringard. Ouais, ça c'est vraiment ringard, une reprise d'Aqua Barbie Girl quoi. Il est balèze un peu Jules, non? Je crois, ouais. C'est pour je vais aller voir ça. J'aime bien Wesh alors, hein, sinon. Va chier, c'est quoi toi? Alors moi, on pourrait dire que c'est l'ancêtre un peu de Jules, c'est Camaro, notre ami, Femme Like You, je supporte plus ça. Ouais, c'est vrai. Oh là, j'en peux plus. Tu sais que de la même époque, enfin non, un peu avant, là, dans la compile du gars, d'ailleurs, je sais pas ce que c'est cette compilation que le mec écoutait dans sa voiture. Mais donc, et à tue-tête aussi, à un moment, il a passé La Rousseau, tu m'oublieras. Ah, oh là là. Dans les fonds bleus. Donc, toi, t'es peinard en train de nettoyer ta voiture. Et puis, je te dis, à un moment, j'ai dit, mais je vais aller l'étrangler, parce que. Au moment où tu dis, bah mec, arrête tes conneries, quoi, tu vois. Ah, il est dur celui-ci. La convention de Genève intervient, quoi. Bonjour Eva, du côté d'Angers, 18 ans. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Le titre le plus ringard du monde, pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est On fait tourner les serviettes de Patrick Sébastien. Hey. Et on fait tourner les serviettes. Bon, bon, bon. Ouais, il y a Amélie au standard, regarde, elle est en train de danser. Eh oui. Ah, aime bien Amélie. Amélie, t'as dansé là-dessus en Corse? Non. Mais quand il y a du second degré, ça peut être marrant ça. Ce qui est triste, c'est quand vraiment t'es dans un anniversaire d'une vieille tante ou quoi, et que les vieux commencent à se lever, à faire tourner les serviettes, mais tu sens que c'est du premier degré, que c'est le moment de leur vie le plus agréable à ce moment-là. Surtout, tu vois, moi, j'ai plutôt de la sympathie pour Patrick Sébastien en plus. Ouais, mais ce morceau, c'est pas possible. Hein. Eva, c'est un bon choix. Merci. Je te fais des bisous. Steve, il est à Paris. Bonjour Steve. Salut la famille, salut Bruno. Salut mon pote, la chanson la plus ringarde au monde pour toi c'est quoi? Pour moi c'est Double Jeu de Christophe Willem. C'est plus possible. Ah j'aimais bien moi ça. Rien que l'intro je peux plus entendre. Qu'est-ce qui devient Christophe Willem? Bon il continue de faire de la musique. Les tortues je crois. Ouais. Ça passait sur Fun Radio ça à l'époque. Mais non. Si si. C'est trop passé. Ouais. C'est pour ça qu'on n'avait pas voulu signer à l'époque. On a dit non mais on va encore attendre 5 ans nous, ça vous dérange pas. C'était pas les mêmes audiences. Steve, je t'embrasse mon pote, il y a Dorian, il est à Mont-de-Marsan. Bonjour Dorian. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Le titre le plus ringard du monde, de la Terre, de l'univers, pour toi c'est quoi? Oh ben là je crois qu'on est au bout, c'est Psy Gangnam Style. Ah ouais. Open Gangnam Style. Alors tu sais quoi, ouais. Dorian, je prends ça aussi. Ah, c'est plus possible. Ouais, je suis d'accord, c'est plus possible. Et souvent, le DJ peut justement faire un combo. Hein. Psy, Born to Be Alive, et puis à la fin, enchaîner avec un Madison. Ben mec, si tu es DJ, tu fais ça un jour, sache que je viendrai t'étrangler, je te le dis. Je t'embrasse, Dorian. La bise. Ciao mon pote. Bon, on va revenir dans quelques secondes sur Fun Radio. Beaucoup moins ringard. On aura Ken Jones. Ça va arriver là dans le quart d'heure. Et puis la chanson du jour après les news, c'est Fun Radio, restez ici. Mardi 30 août, vous arrivez sur Fun Radio. C'est le deuxième jour aujourd'hui. Et le deuxième jour, c'est le jour qu'on Parfait. A choisi pour avoir un pain technique. C'est-à-dire que l'ordinateur, le gigantesque ordinateur, est sur son grand ordinateur qui passe tout l'habillage de Fun Radio, c'est-à-dire les jingles, Bruno dans la radio, etc., vient de tomber en panne. Ah. Et est-ce que vous croyez qu'on va s'arrêter à ça? Non, mesdames et messieurs. Nous allons faire cette émission à l'ancienne, comme on le faisait à l'époque. Et nous allons chanter les jingles. Ah. C'est l'heure de la chanson du jour. Jingle, la chanson du jour. Chanson du jour. Woo Mardi. Accueillons Mégane. Bonjour Mégane. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Le bonjour. Standard, ça marche. D'accord, on fait, bon. On fait comme dans un checklist d'avion. Sinon, le on peut standard. Aussi faire les auditeurs. Hein. Oui, bonjour. Le standard, ça marche. Okay. Je peux envoyer des petits sons, genre ça, je peux, mais c'est les jingles de l'émission, il n'y en a plus pour l'instant. Donc, d'accord. On va faire les jingles nous-mêmes, mais pour le reste, ça va. Mégane, t'as 22 ans, tu es à Brest. Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. C'est ça, tout à fait. Pour me parler de Vincent. Vincent, tu le connais, ça fait 6 ans maintenant, tu en as 22. Lui voilà. faisait du foot et toi, tu faisais de la boxe. Tout à fait. Et ça tout de suite était le coup de foudre en fait. Hein. Pour moi, oui, ça a été tout de suite le coup de foudre. Pour lui, bah, en fait, la différence d'âge a fait que c'était un peu plus compliqué pour lui. Bah oui, parce que mais, à l'époque, tu avais 16 ans, lui avait 21 ans. C'est ça, tout à fait. Et forcément, c'est compliqué dans ces cas-là. Vous êtes mis ensemble et ça a été une histoire passionnelle. Vous vous êtes fiancés, vous aviez même fixé une date pour vous marier, mais qu'est-ce qui s'est passé alors, dis-moi ? Non, on n'avait pas fixé une date pour se marier, mais oui, on s'était fiancés le 20 juin 2015. Voilà, pendant ces 6 ans, Vincent a fait plusieurs erreurs, on va dire qu'il y a eu beaucoup de mensonges que j'ai pardonné par amour. Et voilà, en octobre 2015, je crois, il y a eu un nouveau mensonge qui a fait que ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'arrivais plus à pardonner et je l'ai quitté à contre-cœur. Il t'a trompé, tu parles de mensonge. Est-ce qu'il t'a trompé? Non, c'était pas une histoire de tromperie. Bon, après, je peux pas le dire à l'antenne, d'accord. Mais voilà. En tout cas, il y a eu un mensonge, un gros mensonge pour moi que j'ai eu vraiment du mal à pardonner. Enfin, j'ai pas pardonné et j'ai décidé d'arrêter. Mais j'ai arrêté à contre-cœur parce que, pour moi, Vincent, c'était l'homme de ma vie. Ouais. C'est dur. T'inquiète. Hein. Bichette, tout va bien. Depuis, t'as essayé de lui parler parce que je vois, t'as essayé de le récupérer en fait. Hein. Oui, alors voilà. Après la rupture, je me suis rapidement mise avec quelqu'un d'autre. Mais ça lui a fait beaucoup de mal. Mais pour moi, c'était plus pour oublier en fait, pour essayer de passer de tourner la page, quoi, bien sûr. Et puis t'as pas de justifier, honnêtement. C'est normal. T'avais été déçu et tout. Tu peux essayer de tourner la page. Attends. Oui, voilà. Mais enfin, je le regrette vraiment parce que j'arrivais pas à oublier Vincent. Pour moi, Vincent, c'était l'homme de ma vie. Et du coup, voilà, j'ai quitté cette personne et ça va faire maintenant 3 mois que j'ai repris contact avec. Avec Vince. C'est un raccourci américain pour dire Vince. D'accord. Okay. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, on a repris contact. Là, on s'est vu mercredi dernier. Et Vincent, il a quand même du mal à accepter. Enfin, on va dire que voilà, Il a du mal à accepter quoi? Le fait pour lui, ce que j'ai fait, c'est pas pardonnable. Le fait de me mettre rapidement avec quelqu'un d'autre. Attends, parce que là, tu disais, je peux pas vous dire ce qu'il a fait, mais on te disait, est-ce qu'il a cherché, il t'a trompé ou pas avant? Il m'a pas trompé, mais il a chiné un peu, quoi. Aïe. Ouais, voilà, on va dire. Il y a la fierté masculine aussi de se dire, je suis sorti avec une fille et maintenant elle couche avec un autre gars, j'en veux plus. Ouais, okay. C'est ça, on a fait des erreurs tous les deux. Je veux dire, personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Mais oui. Bon, Mégane, j'ai une question à te poser. Je m'excuse, je te coupe, mais parce que il va falloir qu'on fasse passer le message. Est-ce que Vincent écoute souvent Bruno dans la radio le matin? Non, pas trop. Enfin, en tout cas, pas à cette heure-là, c'est pas trop son heure. Bon. Écoute, parce qu'il y a 5 minutes, on l'avait plus à l'antenne, mais on vient de le récupérer. J'ai eu peur. Ah, bon, on lui fait passer le message, Mégane, et après, tu t'expliques avec lui en direct. D'accord? Ok, très bien. Merci, Bruno. Bonsoir. Vincent est au téléphone avec nous ce matin. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vincent, je m'appelle Bruno Guillon. T'es en direct sur Fun Radio. Ok. Alors, je crois que ta liaison est pas super. Non, je suis bon, ça va. C'est quoi ce bruit? Est-ce que tu m'entends bien, en tout cas, Vincent? Ouais, bon, très bien. Si toi, tu nous entends bien, c'est l'essentiel. On a un message à te faire passer de la part de Mégane. Tu écoutes les paroles et on en parle juste après. C'est parti. C'est un message de la part Mégane, car elle voudrait te récupérer. Mais son inspiration était en panne, alors je te propose de m'écouter. À la base c'est toi qui as déconné, alors c'est normal qu'elle t'ait jeté. Heureusement son avis a changé, elle ne t'a pas oublié. Alors dis-moi pourquoi tu fais le compliqué. Vincent, ne me dis pas que tu l'as oublié. Je serais toi, je voudrais me dépêcher, sinon on va te la piquer. Mais franchement tu l'as cherché. Elle a tout gâché, mais franchement tu l'as cherché. Mais là enfin elle veut te récupérer. Alors Vincent, il n'y a plus qu'à foncer. Elle a tout gâché, mais franchement tu l'as cherché. Mais la renveilleuse et rend-la heureuse. Elle veut t'aimer, alors il est temps de te poser. Fais pas le compliqué, sinon tu vas le regretter. Bon, je crois que le message est clair. Vincent, est-ce que tu as compris le message? Bien ce que je connais. Ouais. Vincent? Je crois que Vincent a coupé. Alors panique pas tout de suite, Mégane, il a peut-être pas raccroché, c'est peut-être qu'il capte pas tout simplement. Ouais, il y avait des problèmes. D'accord, ouais, il je sais raccroché. Il a raccroché. Ouais, mais peut-être que c'est pas s'il captait pas, peut-être qu'il y a un souci technique. Non, je sais que chez lui, il capte pas très bien. Bah alors tu sais quoi, Mégane, c'est trop sérieux cette histoire. Ouais. Franchement, tes larmes tout à l'heure, moi ça m'a touché. Quand tu nous as envoyé ton mail à bruno@funradio.fr, tu nous as bien dit que tu nous disais c'est ma dernière chance et j'en ai vraiment besoin. On va rattraper ce truc. Voilà, on va essayer de le joindre par tous les moyens. Et pour ça, Louzman, au standard, t'as intérêt de te démerder. Louzman, il faut nous récupérer. Il faut nous récupérer, Vincent. C'est trop sérieux. C'est bon, il est là. Oui, il est là. Vincent. Attends, je vais grimper. Attends, mais grimpe, Vincent. Vous savez quoi? La différence entre cette émission et les autres émissions de radio, c'est qu'on vit le direct. Bien sûr. Avec des vrais gens, des vrais auditeurs, la vraie vie. Et voilà. Et du coup, bah, Vincent, ça capte pas complètement. Ouais, on lui a demandé de grimper. Vincent. J'habite dans un trou, les gars. Je suis désolé. T'habites dans un trou, bah on a le même problème. Vincent, ouais, c'est bon, quoi. Vincent, est-ce que t'as compris le message que t'as fait passer Mégane? Vas-y. Il l'a pas entendu. T'as pas entendu? Tu lui expliques. Mais si, j'ai entendu la chanson. Bon, et ben alors, la question que je te pose, c'est voilà, qu'est-ce que t'en penses? Tu te situes comment par rapport à ça? Je pense que les gars, c'est bien trouvé les paroles. Super. Bon. Franchement, je sais pas qu'il a écrit la chanson, mais c'est pas mal. Il y a pas de souci, c'est pas ça le problème. Vas-y, la question qu'on te pose. J'ai compris la question. Voilà, et ben je voudrais une réponse parce que moi j'ai Mégane qui m'a appelé, qui m'a écrit dans un premier temps puis qui m'a appelé après. Ouais. Qui est juste en pleurs en fait et qui juste a une vision d'avenir de la vie, et cette vision d'avenir c'est avec toi. Et elle voulait savoir comment t'étais par rapport à ça. Voilà. Je pense qu'il y a des gens. Dites-lui oui, Mégane, dites-lui oui. Bah, tu peux lui dire. Tu vas lui dire toi-même. T'es en direct avec elle, dis-lui. Ça va, Mégane? Oui, allô, Vincent. Bah, voilà. Oui, ça va. Bah, à nouveau, je voulais te demander pardon devant la France entière pour le mal que j'ai pu te faire. Mais t'es taré. Voilà, sache que c'était vraiment pas mon intention et voilà, j'arrive pas à t'oublier, mais je veux pas t'oublier parce que ben pour moi t'es tout. Et aujourd'hui je suis sûre de ce que je veux et je suis sûre que je vais être avec toi et mais voilà. Vincent aussi, Vincent, dis-lui que tu l'aimes. On en reparle en antenne, ok? Ah ouais, d'accord. Et alors, je veux juste dire un truc, c'est que Voilà, si un jour il est prêt à me laisser une chance, ou si même aujourd'hui il est prêt à me laisser une chance, je lui ai préparé une petite surprise devant chez lui et je l'attends avec une petite surprise. Oh là, alors Mégane, alors attends, là c'est trop important. Mégane, tu ne bouges pas, on fait un break et on te reprend à l'antenne dans 3 minutes, d'accord ? D'accord, ça marche. Hey, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est du direct, c'est Fun Radio, à tout de suite. Bon, alors là, les amis, on est sur une chanson du jour de ouf. J'avais pas prévu d'alerte Rimmel aujourd'hui, parce que sur le sujet, je m'étais dit, globalement, ça devrait être... Et puis alors, ça s'est barré en couillasse. Voilà. Mégane veut remettre le couvert avec Vincent. Il y a eu des torts partagés, séparation, etc. Mais elle est éperdument amoureuse. Moi, j'ai eu l'impression que Vincent prenait le truc un peu... Alors, il a dit oui, mais je t'aime, mais en même temps... Enfin, il lui a pas dit vraiment, d'ailleurs. On a des doutes. On va parler en antenne, j'ai l'impression qu'il prenait ça un peu par-dessus... Il peut être aussi pudique et pas vouloir le dire à la radio. Par-dessus la jambe, comme on dit. Vincent ! Ouais, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit la jeune fille. Ouais, la jeune fille, c'est Christina, merci pour la jeune fille. Bonjour, Christina. C'est-à-dire, tu étais d'accord avec elle, dans quel sens ça ? Eh ben, tu aurais que pas ce genre de choses à la radio, les gars. Ouais, ah oui, voilà, c'est ça. Parce que t'es un peu pudique, mais ça, je peux comprendre. Non, après, c'est vrai, c'est que son message nous a beaucoup touchés. Et tout à l'heure, elle était vraiment très émue quand elle nous en parlait. Et je pense qu'elle a besoin d'être rassurée tout de suite. Ouais, en fait, tu sais, Vincent, le but, c'est pas de dévoiler sur la place publique vos trucs. C'est qu'elle savait pas trouver les mots. Elle s'est dit que nous, on les trouverait peut-être mieux pour elle. Voilà, c'est juste ça, le truc, hein, okay. Vincent. Après, évidemment, ça va se passer entre vous. Mais alors, du coup, Mégane nous disait que... Il y avait quelque chose qui était prévu. Mégane ? Oui. Alors explique, qu'est-ce qui se passe ? Parce que t'es où là, Mégane, en fait, physiquement ? Bah là, je suis devant chez Vincent, en fait. Vincent, elle est devant chez toi, en fait, Mégane. Ok. Voilà, et donc, et alors t'as prévu un truc, Mégane ? C'est quoi le truc ? Oui, bah j'avais mis des petits ballons en forme du cœur sur sa voiture et j'ai préparé un bon petit déjeuner avant qu'il parte au boulot. Oh, c'est trop mignon ! Ouais, c'est soit mignon, soit angoissant. Ah non, moi je trouve ça mignon. Puis les ballons sur la voiture, il suffit qu'ils la prennent pour aller au boulot, ça se met dans le fait, ils voient rien, il y a un accident de bagnole à cause d'elle. Non. Oh, Vincent. Ouais, c'est très mignon. Bon, c'est mignon. Tu sais quoi, là du coup, maintenant on va passer dans le domaine du privé. Moi, ce que je te conseille, Vincent, c'est de raccrocher, d'accord ? De raccrocher, de descendre à ta voiture, de voir Mégane parce qu'elle est là. Mégane, t'es restée à côté de la maison ou pas du coup ? Oui, je suis juste à côté, je suis en bas. Et puis vous parlez tous les deux, t'es d'accord, Vincent ? Ouais, et ok. Voilà. Bon, Mégane ? Oui ? Ça part pas mal, je te fais des bisous, ma belle. D'accord, merci, merci la famille. Oui. Bisous, moi je voulais juste que Vincent me promette un truc, c'est de pas lui briser le cœur et de faire attention à Mégane. Ok, je te le promets alors. T'inquiète pas, il va lui briser autre chose. Hein. Oh, il est trop... Attends, on détend l'atmosphère. Hein. Le popoté, c'est sûr que tu parlais de ça, Vaché. Je parlais du popoté. Attends, on peut parler popoté un peu, non ? C'est grave. C'est pas la radio. Tu telling me this, then I believe. No matter where I go. Moi, j'ai essayé de suivre les paroles un peu de la chanson. Donc la nana lui a dit konnichiwa, ouais, lui a dit bonjour madame. Non, lui a dit bonjour madame. Ouais. Il va pas la pécho. Hein. La finalité, c'est qu'elle s'est barrée. Kent Jones, Don't Mind à l'instant sur Fun Radio. Et matinée un petit peu spéciale ce matin. Je vous vends les coulisses de l'émission parce que c'est le deuxième jour et donc tout le système informatique de Fun Radio a planté. Ça fait une demi-heure avec des techniciens qui sont en train d'essayer de courir dans tous les sens. Enfin un technicien. Mais qu'on embrasse, moi je l'aime beaucoup Fred. Il est top parce que Fred il se défonce mais il est tout seul hein, du coup. Donc il galère un peu mais on essaye de gérer. Donc il faut savoir que quand vous dites mais ça change quoi par rapport à la radio, bah ça change tout. Parce que tout ce que vous entendez à la radio, ça vient d'un appareil qui s'appelle la 2i qui ne marche plus. Donc la musique, bah ça vient de là, il n'y en a plus. Donc là, les morceaux, on va les chercher sur YouTube, c'est on les passe sur l'ordinateur à l'ancienne. En fait, Fun Radio s'est transformé en web radio depuis une demi-heure. Alors, c'est une web radio qui marche pas mal, mais web radio quand même. Donc là, on va lancer le JPI, mais il peut y avoir des points parce que bah, c'est pareil, les sons, on va les chercher sur le net. Hein, donc, on va. Vous savez quoi ? Et à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est l'heure du JPI. C'est le journal pour une image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite, on va essayer la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui c'est la Saint-Sacha, sauf pour Nabila qui fête sa chatte. Et pour commencer, technologie, l'iPhone 7 devrait être présenté le 7 septembre sans prise jack, qui devrait être remplacé par une prise Kevin ou une prise Jean-Louis. Religion, le pape François a reçu Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Après le pape François, découvrez donc le POC François. Plus que deux jours avant la rentrée scolaire, Anthony Bosovic est parti enquêter. Anthony ? Attendez, doucement, un par un, il y en aura pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, Anthony, là ? Bah, je suis avec des collégiens et des lycéens qui font la queue, ils sont impatients. Ah, ils font la queue devant l'école ? Non, devant la chambre d'hôpital de ma grand-mère. Double bronchite et angine blanche. À chaque fois qu'elle tousse, elle envoie 2-3 millions de microbes. Alors pour eux, c'est l'occasion inespérée d'être gravement malade dans 2 jours et de rater la rentrée des classes. Suivant. Ouais, suivant. Bah c'est pas con, Anthony, fallait y penser. Alors, Karina, tu fais très mal la vieille quand oui. Il s'agit de faire une voix de vieille. Ouais. Mais alors, t'arrives à rater la toux de vieille. Et c'est pas facile. C'est très très dur. Bon, on finit quand même. Oui, on finit, on finit. Bon, allez. Et pour finir, si vous aimez les Pokémon et les chanteurs, attrapez un Ratataio Cruise. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Vous restez sur Fun Radio, la famille. On va revenir en direct dans quelques secondes, puisque ce matin, voilà, cette émission qui était une émission normale est en train de se transformer en émission spéciale. Oui, ce matin. Nous sommes des aventuriers de la radio et tel que le faisaient nos ancêtres, nous allons faire de la radio comme le faisaient les anciens de Fun Radio. À l'époque où il y avait du disque vinyle, à l'époque où il y avait des cassettes que l'on rembobinait avec des stylos, nous en sommes là ce matin. Et qu'à cela ne tienne, nous ferons de la radio quoi qu'il arrive. Dans la demi-heure qui arrive, il y aura quoi ? Est-ce qu'on peut faire écouter du son ou pas, Fonf ? Tu me dis, tu ouais, me dis. Ouais, ouais, alors attends, il y aura Cachemire, il y aura ça. Très bien, très bien. Tu sais quoi ? Et pour l'instant, garde celui-ci, on l'a, on est sûr de le passer, mais que cet extrait. Ouais, on a l'extrait, hein, c'est sûr. On aura aussi ça. DJ Snake, Justin Bieber. Ah, très bien. Donc ça aussi, on l'a, on va pouvoir vous le passer. Accroche. On récupère les disques au fur et à mesure. Est-ce qu'on aura la nouvelle rubrique qu'on a lancée hier, Brioche ou Croissant ? Non. On va s'en Très bien, très bien, très bien. C'est comme un resto qui vient d'ouvrir. On a ouvert hier, les gens sont venus en disant ouais. Putain, il est super bon le resto. Et hier, on a blindé. On était, tu vois, genre 700 couverts dans la journée. Et du coup, le lendemain, tu dis, ouais, c'est bon. Et, on y va tranquille. Bah, c'est pareil, en fait. Moi, je voudrais révéler les coulisses de cette émission. Surtout Christina, qui est aux alentours de 6h43, dit. Ça va, on fait une émission pas trop mal. Je pense que on va briser la malédiction. Ouais, parce qu'en général, on dit en radio, quand tu fais une bonne première, la deuxième, elle est un peu moins bien. Tu la foires, ouais. Et ouais, je peux vous dire que pour l'instant, on l'assure. Il n'y a pas la technique, qu'à cela ne tienne. On sera là quand même. Et on revient après les infos. Est-ce qu'on va réussir à envoyer les infos ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc qui est sûr en radio, c'est que même quand tout merde, les disques, les micros des animateurs, les jingles, etc., il y a un truc qui part, quoi qu'il arrive, qui est dans un ordinateur à l'autre bout du monde pour que ça marche, c'est la pub. Mardi, c'est le 30 août, c'est Fun Radio, vous écoutez, il est 8h04, bonjour ! Bonjour ! Et bienvenue sur Fun Radio, la famille. Émission un peu spéciale ce matin, car depuis une demi-heure... Tout le système informatique de Fun Radio est tombé en panne. Tout à fait. Le système informatique de Fun Radio, c'est quoi ? Pour vous qui écoutez la radio chaque matin, c'est tout ce que vous entendez à la radio. Les disques. On ne peut plus passer de disques. Les jingles, Bruno, dans la radio. On ne peut plus passer de jingles. Tout ce qui va avec nos voix ne marche plus. Et bien qu'à cela ne tienne, depuis une demi-heure, nous faisons de la radio à l'ancienne. Un peu comme dans l'épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Je fabrique moi-même les disques. En coupant des rondins de bois, pendant que Christina fait de la tarte aux pommes. Vacher est en train de courir et glisse sur la pelouse dans le jardin. Et Elliot est aveugle. Et moi, je fais rien alors. Ah mais si, t'es aveugle, c'est un super pouvoir. Cool, la petite radio dans la prairie. Bon, si tout va bien, on va vous passer Cachemire dans quelques secondes. Ce qui est horrible, c'est que vu qu'on est obligé d'envoyer les titres depuis YouTube, ça se trouve, on va se taper la pub Fanta. C'est ça. C'est sûr. De 15 secondes avant. Au mieux. Parce que des fois, t'as des pubs qui durent 2 minutes. Ah, j'avoue. Ah, c'est chaud. Il y aura DJ Steak et Justin Bieber également, ça va arriver avant 8h30. Alors... Moi, je suis très content que ça arrive le deuxième jour. Je crois que c'est une épreuve qu'on nous envoie. C'est une épreuve qu'on nous envoie pour voir si nous sommes capables d'assurer. Eh bien, sachez que même dans l'adversité, nous allons faire cette émission. Quoi qu'il arrive. J'aimerais savoir ce que veut dire adversité. Bon. Eh bien... ça serait trop cool. Par exemple, on a lancé une nouvelle rubrique hier qui s'appelle Brioche ou Croissant. Brioche ou Croissant, c'est quoi? Eh bien, nous prenons une personnalité et à cette personnalité, nous lui posons des questions à deux choix. Brioche ou Croissant? La plage ou la montagne? Et en une minute, l'invité doit répondre à un maximum de questions. Hier, c'était Christophe Beaugrand. Aujourd'hui, c'est qui? C'est Antonin des Marseillais. Ça cartonne sur, tous les jours sur W9. J'ai regardé un peu hier. T'as regardé? C'est quand même les Marseillais et les Ch'tis vs le reste du monde. Ouais. C'est ça le nouveau programme. Pardon. Mais le reste du monde, c'est-à-dire même la Syrie, tout ça. Moi, je n'enverrai pas les Marseillais face à Bachar el-Assad. Ils ne vont pas faire le point, il faut le savoir quand même. Mais il est sympa, Antonin. J'aime bien. Alors, Antonin répond à Brioche au croissant. Si tout va bien, c'est parti. Brioche ou croissant? Brioche. Couette ou couverture? Couverture. Apéricube ou curly? Curly. Parce que si t'as pas d'amis, hein, curly. Nike ou Adidas? Moi je dirais Adidas. Parce que Adidas c'est loin quoi. Et Nike c'est Paris quoi. Papier toilette rose ou blanc? Rose. Joséphine l'ange gardien ou l'amour est dans le pré? C'est vrai que c'est quoi, on peut trouver pas trop. Mais je dirais quand même Joséphine l'ange gardien. Pornhub ou Jackie et Michel? Moi, Pornhub, je connais un petit peu. Jackie Michel, je connais pas du tout, en fait, de nom. Mais je dirais plus sur porno. Le perso, Jackie et Michel, c'est plus ce que c'était. Non, si je peux passer un coup de gueule. Non. Non, non, non, non surtout non, que là, on se sert de l'ordinateur pour passer les disques. Ouais, bon, vraiment. Donc j'aimerais qu'on puisse passer le cachemire, tu vois. Ouais, d'accord. Plutôt que d'entendre des sons bizarres qui partent à l'antenne. Vraiment. Dommage. Dans moins de 3 minutes sur Fun Radio, je paye de la facture. Est-ce que le standard marche? Oui. C'est une bonne nouvelle. On revient en direct sur Fun Radio. À tout de suite. Funradio.fr, vous pouvez suivre l'émission, vous le savez, avec le streaming vidéo. On se marre parce que, en fait, bon, voilà, on va pas revenir dessus mille ans, mais depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant. Une heure et demie, voilà. Vous, ah, une heure et demie. Bien ah, oui, sûr. Ça se répare vraiment pas vite, le système informatique de Funradio. On a un gros problème technique et donc les disques, on les passe via YouTube. Et donc, bah, du coup, avec la caméra, on a fixé comme ça et on a l'impression de revenir à l'époque de Fun TV. Ouais. On envoie les disques et hop, on a le clip vidéo. Génial. Yes. Bon, dans quelques instants, nous allons revenir sur un passage de la saison dernière. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où Elliot nous avait avoué avoir un pouvoir? Ah oui, bien sûr. Elliot nous disait que en se concentrant, en s'appuyant sur les yeux très fort, et tu me rappelles si c'est ça, Elliot, oui. Tu t'appuyais sur les yeux très très très très fort, ce que oui. Tu faisais quand t'étais petit, oui. Et qu'après, t'avais des visions et que même ta mère à l'époque faisait venir des amis à elle parce que tu lisais leur avenir. Bah oui, ça faisait des images dans mes yeux et j'arrivais à les interpréter quoi. Ouais. Tu voyais des étoiles, c'est ça? Ouais, des étoiles, la lumière. Et c'est marrant parce que les étoiles, tu les as toujours, mais dans les cheveux, ça s'appelle des pellicules, je crois. Il y a juste eu un transfert. Jaloux, va. Et donc, nous avions dit, Elliot le voyant, c'est une rubrique extraordinaire. Et nous avions demandé à des auditeurs de venir ici sur l'antenne de Fun Radio pour poser des questions à Elliot par rapport à leur avenir. Et alors, j'ai récupéré les questions qui avaient été posées à Elliot à l'époque. Il y avait eu la question de Claudia. Elliot le voyant, est-ce que ma fille va devenir championne de France d'équitation au mois de juillet? Elliot. Plutôt oui, parce que j'ai vu un cœur et une étoile. Ah bon, bah alors ça veut un cœur et une étoile. Alors, on aura Claudia au téléphone avant 7h30, puisque sa fille a donc fait les championnats d'équitation. Si, on va voir si c'est un truc. Ah non, mais tu sais, nous, on se souvient. Ah oui. À la différence d'autres radios, quand on dit des choses, on les tient après. Et on avait eu Théo également. Moi, j'aimerais poser la question à Elliot le voyant, si mon contrat allait se prolonger le 18 juillet. Les étoiles se sont rejointes un peu. Et alors, je pense, soit tu vas signer, soit, tu sais, genre, pas pour longtemps. Genre, quoi qu'il arrive, un CDD, genre. Ouais, D'accord. Tu vas d'accord. Mais tu t'inquiètes pas parce que j'ai vu du bon quand même. Bon. Et ben, avant 8h30, on aura et Théo et Claudia. Oh la honte. Et on va voir si les prévisions étaient bonnes. Elliot le voyant. Oui, Bruno. Est-ce qu'on va réussir à diffuser dans quelques secondes DJ Snake et Justin Bieber? Si YouTube marche correctement, là oui, c'est bon, j'ai pas besoin de voyance. Alors peut-être qu'on aura Let Me Love You dans quelques secondes. Mais Mais pour l'instant, nous allons payer de la facture. Bruno, allô ? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'antenne, vous êtes en train d'écouter Fun Radio, vous vous dites, mais il n'y a pas de différence, c'est quoi le problème technique ? Il y a le jingle et tout ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le studio, ça court dans tous les sens. Hein. Vraiment. Ouais, parce que là, les jingles, c'est Elliot qui les envoie avec l'ordinateur. Exactement. Ah, bon, exactement. Alors, les amis, je paye de la facture tous les matins. Et je vais faire ça durant toute cette saison. Et même si on a des problèmes d'ordinateur, je le ferai. Et si on a des problèmes de micro, et bah tant pis, j'irai directement chez vous. Je vous appellerai par téléphone, j'irai vous amener un chèque, j'en ai rien à foutre. Je paye de la facture tous les jours sur Fun Radio à 7h10 et à 8h10. Et pour que ça aille vite, pour envoyer vos factures, soit vous le faites par mail facture@funradio.fr. Alors là, faites-le plutôt par courrier parce que par ça nous pourrit un peu l'ordinateur. On en a besoin pour passer de la musique. C'est vrai. On a besoin de garder de la mémoire sur l'ordi. Et l'adresse, c'est Fun Radio, 20 rue Bayard, 75008, et c'est à Paris. Et si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On part dans le département de l'Indre-et-Loire. On part du côté d'Avoine. Il y a beaucoup de flocons là-bas. On part du côté de chez Sabrina. Ouais, et pas du côté des bonnes vannes, apparemment. Et si vous me voyez... Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sabrina. Je ne suis pas disponible pour le moment. Alors laissez-moi un message et je vous rappellerai plus tard. Merci. Sabrina. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Sabrina, on le dit souvent, quand vous envoyez votre facture, il faut que par la suite, vous écoutiez Fun Radio. Parce que quand on vous appelle, si vous n'êtes pas là, vous ne répondez pas et on ne peut pas payer votre facture. Sabrina, tu m'avais envoyé ta facture de vacances. Ta semaine de vacances. Elle est partie où ? On sait pas. Elle était partie à la Tranche-sur-Mer. Ah, c'est bien, oui. Et j'avais la réservation, etc. C'est en Normandie. Sabrina, je suis désolé, nous t'embrassons. Elle va à Avoine les boules, parce qu'elle habite à Avoine. Oh non, Elliot, non, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Attends, qu'on ait un bug technique, bien, mais qu'on ait un bug sur les vannes, par contre, on n'a pas le droit. Tu vois, les gens sont ici, ils attendent les bonnes vannes de nous, Elliot. Par contre, ce bug sur Elliot, on l'a depuis 2012. Hein, c'est un peu le souci. Ça a été le fameux bug de l'an 2000. Il s'est répercuté sur Elliot, et Elliot le traîne depuis 16 ans comme un boulet. DJ Snake, Justin Bieber. 8h19, bon réveil, c'est Fun Radio. Aujourd'hui, nous sommes mardi, vous allez pouvoir jouer avec nous en appelant le 3228. Vous êtes en Belgique, vous pouvez jouer avec nous également. Vous appelez le 02 85 10000. Il y a dans quelques secondes le jeu des 30 secondes avec cette nouvelle règle, à savoir celui qui gagne rejoue obligatoirement le lendemain. Je parle de la personne de l'équipe que vous avez choisie dans le jeu des 30 secondes. Et Elliot a gagné hier. Oui, monsieur. Elliot est donc challenger. Donc ça veut dire qu'un auditeur va pouvoir choisir Elliot et puis un autre auditeur va choisir quelqu'un d'autre de l'équipe pour tenter de repartir ce matin avec un iPad Air 2. Vous appelez le 3228. On va jouer tout à l'heure, juste après 8h30. Dans quelques instants, on aura Claudia au téléphone. Bonjour Claudia. Bonjour la famille. Bonjour. Salut. Revenons sur Claudia qui a été passée à l'antenne. C'était au mois de mai ou juin, en fin de saison l'année dernière. Elliot le voyant, est-ce que ma fille va devenir championne de France d'équitation au mois de juillet ? Elliot. Plutôt oui, parce que j'ai vu un cœur et une étoile. Ah bon, bah alors ça, j'ai un cœur et une étoile. On va voir avec Claudia si oui ou non elle a été championne. J'ai des doutes, mais en tout cas on va voir avec elle. Et puis j'aimerais qu'on fasse un petit point Pokémon Go là dans l'équipe. Avec grand plaisir. Parce que... Elliot, t'en es où ? Niveau 19, je suis leader. Là je suis super saucé. J'ai fait évoluer mes 9-9 et donc j'ai eu le deuxième là, la évolution à 1300 PC. Super. 1300 là, je suis tranquille. Alors attends, je crois que Fonf nous bat tous sur Pokémon Go. Ouais, je suis niveau 22 depuis hier soir et j'ai un noix de coco 1900. Depuis hier soir aussi. C'est ça l'évolution de 9-9, c'est noix de coco. Alors moi j'ai un autre niveau, c'est que je m'en bats les yeux que niveau 1000. Je comprends rien à ce que vous dites. Mais moi je suis un gars parce que mon plus fort c'est j'ai un niveau 439 sur un Osferalto. Moi c'est pourri, on est d'accord. C'est bien si t'es niveau 5. Mais les gars, vous me rappelez ces cons de geeks au fond de la classe là au lycée qui discutaient entre eux sur les cartes magiques, ils faisaient des vannes que personne comprenait. Mais c'est ça, et moi je suis pas la seule, je pense à pas jouer, donc je sais pas du tout comment ça se passe. En gros, tu marches et il y a un Pokémon qui peut apparaître n'importe où, c'est exactement, ça. Exactement, tu vois là par exemple, là, je viens d'ouvrir et oula, dis donc, j'ai un Starry sauvage là. Quoi qui peut apparaître. Ça va, c'est pas ouf. Allez, dans le studio, je vais le prendre pendant que je vous parle quand même, voilà, hop, je l'ai pris. Mardi soir, la semaine dernière, dans la ville de Tokushima, Et je parle de ça parce que vous avez vu Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, a demandé à recevoir le patron de Pokémon en France pour interdire les Pokémon rares dans les écoles. Bah oui, bah c'est une bonne chose, je pense. Mais ça devient dangereux. Donc, un agriculteur de 39 ans a été arrêté au Japon. Pourquoi ? Parce que il a renversé deux femmes au volant de sa voiture. Le mec a voulu attraper un Pokémon pendant qu'il était en train de conduire et il a tué une vieille dame de 72 ans. Oh non, mais c'est horrible. C'est pas drôle. Alors après, ça dépend, c'est quoi comme Pokémon ? Ouais. C'est pas cool. C'est pas. Et attention, c'est pas roux cool. Olé ! Vanne de Pokémon. Faut connaître les Pokémon. C'est ça. Ah bah ça forcément. Sinon c'est la merde. On est d'accord. Y'a Kungs qui arrive dans quelques secondes. Et donc Elliot le voyant. Et si ça a marché Elliot, il va falloir refaire des voyances. Oh là là. On revient si tout va bien sur Fun Radio après ça. Bienvenue sur Fun Radio, c'est mardi, c'est le 30 août. Et Elliot le voyant est avec nous. Bonjour Bruno. Non, bonjour. Prends ta voix normale. Elliot. Tu sais, je te l'avais dit déjà l'année dernière. Ouais, je retentais au cas où. Non. C'est bon. Tu sais, moi j'ai bonne mémoire. Hein, ouais. Elliot nous avait donc dit que petit, il avait un don. Il s'appuyait fort sur les yeux, il se renfermait dans une pièce à part et qu'il arrivait à voir l'avenir et que sa mère, à l'époque, faisait venir des amis pour vérifier que ses dons marchent. Et donc, il faisait des voyances pour les amis de sa mère. Et donc, nous avions eu une auditrice, Claudia, qui nous avait posé une question concernant sa fille qui devait passer un concours d'équitation. Elliot le voyant, est-ce que ma fille va devenir championne de France d'équitation au mois de juillet ? Elliot. Plutôt oui, parce que j'ai vu un cœur et une étoile. Ah bon, alors ça veut un cœur et une étoile. Enfin, il y a beaucoup de monde dans un championnat, quoi, alors j'espère que, bon. Claudia, rebonjour. Rebonjour. Donc, alors, ça a été quand la compétition d'équitation de ta fille ? D'équitation, c'était au mois de juillet. D'accord. Ouais. Début juillet. D'accord. Et donc, la question, c'est est-ce qu'elle a gagné le concours national d'équitation ? Alors, elle n'a pas fini première, mais par contre, je suis très fière d'elle parce qu'elle a fini 8e sur 145. Ah ouais, bah. Oh, voilà. C'est un beau résultat. C'est une donc, victoire pour toi. Ouais. C'est un super résultat, ouais. Ouais, mais alors attends, monsieur. Alors, on dit que ça a marché ou pas ? On dit que ça a marché ou pas ? On peut dire que ça a marché. Ouais, on dit que ça a marchouillé. Tu sais quoi ? Alors, Elliot, on va lancer un truc, t'es à peu près voyant. comme à peu près animateur radio, je voilà. Elle était contente, 8e, elle était contente. Hein. Oui. D'accord. Ouais. Bon, et Claudia, c'est fabuleux. Je suis ravi, Claudia. On te fait des bisous, ma belle. On avait eu Théo également. Moi, j'aimerais poser la question à Elliot le voyant. Si mon contrat allait se prolonger le 18 juillet. Les étoiles se sont rejointes un peu. Et alors, je pense, soit tu vas re-signer, soit, tu sais, genre, pas pour longtemps. Genre, quoi qu'il arrive, un CDD, genre. Ouais, D'accord. Tu vas d'accord. Mais tu t'inquiète pas, parce que j'ai vu du bon quand même. Bon, alors il avait vu du bon quand même. On avait Théo au téléphone, là, il y a encore un quart d'heure, mais il a dû rentrer au boulot. Donc ça veut dire qu'il a du boulot. Ah. Luzman, au standard. Oui. Alors explique-nous ce que t'as dit Théo. Eh ben Théo m'a dit que son contrat n'a pas du tout été renouvelé. Ah, alors d'accord. Mais qu'il en a trouvé un autre. C'est à peu près aussi. C'est exactement ce que j'ai dit. Non, t'as dit qu'il allait trouver un contrat plus court, mais dans la même entreprise, t'avais pas dit ailleurs. Oui, mais il a quand même du boulot. C'est Elliot le foutage de gueule. Hein, les amis, il y a les voyants. Eh bien, nous lançons désormais une nouvelle carrière. Elliot, le APV, à peu près voyant. Merci Bruno. C'est-à-dire que vous voulez une prévision, eh bien, on peut la faire. On refera des séances de voyance avec Elliot cette saison, si vous le voulez bien. D'ailleurs, vous pouvez nous le dire sur Twitter avec le hashtag Bruno Fun Radio. Et il donnera des réponses. Et vous savez dans les réponses que c'est à peu près. Ouais. Voilà. Peut-être qu'il faut que tu t'appuies plus fort sur les yeux pour que ça marche. Jusqu'à ce que ça saigne. T'as vu Game of Thrones ou pas ? Non. Il y a un gars, avec ses pouces, il appuie un peu sur les yeux d'un gars qui finit pas très bien. Et ben essaye ça peut-être, Elliot. Ça va faire mal. Ah, mais oui, mais plus t'appuies, plus t'es précis. Hein. C'est comme ça chez les voyants. Non. Tu verras. Kungs ! J'adore ce son. Don't you know, ça arrive sur Fun Radio. Alors, on va faire un petit point rapide, si vous le voulez bien, sur la panne Fun Radio. Breaking news depuis la régie de Fun Radio avec Fonf, puisque depuis plus d'une heure et demie, désormais, nous n'avons plus le système qui permet de diffuser de la musique. On fait un peu de la radio à l'ancienne. Est-ce qu'on va pouvoir faire le jeu des 30 secondes ? On va essayer. La base de données est HS et on va quand même essayer de faire le jeu des 30 secondes avec un à peu près habillage. Merci Fonf. Et nous n'hésiterons pas à revenir vers vous, bien entendu, si l'actualité le permet. Pas de soucis. Et puisqu'on parle d'infos, bah, c'est l'heure des news sur Fun Radio. C'est mardi, c'est le 30 août. Vous écoutez Fun Radio. Bon réveil, la famille. Ravi de vous accompagner. On est là toute la saison, tous les matins, avec toute la team de Bruno dans la radio. Vous les découvrez peut-être aujourd'hui. Eh bien, sachez que dès maintenant, ça fait partie de votre nouvelle famille. Voilà, il y a votre meilleure amie, votre BFF, Christina, qui est là ce Bonjour. Il y a Elliot, qui est là ce matin. Et moi, je suis quoi? BFF, tu peux être aussi un BFF. Moi, je veux bien boire des godets avec vous. Fromage et feta. Mélangé dans un smoothie. Elliot, c'est le bon pote. Oui, il se lave pas et alors il a d'autres qualités. Vacher, c'est celui qui a toujours le mot pour rire. Quoi, voilà. Elle a des connes. Hein, bah, bien sûr. Je suis pas le dernier à péter à table. Hein. C'est toujours. C'est celui qui fera la vanne de se mettre la main sous le bras pour faire. Bien sûr. Voilà. C'est le fanfaron. Quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci de ressortir ce mot de 1983. Merci, avec plaisir. Il nous manquait. C'est quoi, fanfaron? Ça manquait vraiment. Dans quelques secondes sur Fun Radio, il y aura Kungs. I'm gonna rap. Et il y aura Sopra. Parce qu'on a la version de Nicole Pervers, mais il y a Sopra qui a quand même envoyé un message en disant: les gars, vous allez passer mon disque aussi. Oui, on va passer la vraie version de Soprano en feu. Là, ça va arriver dans le quart d'heure sur Fun Radio. On aura Julia au téléphone depuis Lille. C'est notre loseuse du jour. Elle a trouvé un chien dans la rue. Elle a voulu appeler la SPA et là, c'est la honte. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, on aura la réponse et l'explication dans moins de 10 minutes. Mais pour l'instant, sur Fun Radio, on joue ! L'essentiel est de ne pas paniquer. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Le jeu des 30 secondes ce matin, depuis quand ? Dans le Calvados, il y a Justine. Applaudissements pour Justine. Bonjour, Justine. Tu sais quoi, ça s'entend, ça fait plaisir. Justine, tu fais quoi dans la vie à Caen ? Secrétaire à Caen. Secrétaire à Caen, d'accord. À Caen, hein, c'est bien à Caen, hein, parce que je n'en étais pas sûr. Ouais. Et ça, Bruno, bravo pour ta participation à Fort Boyard. Oh. J'ai vu, c'était formidable. Merci. Bah, Elliot aussi, quand même. Elliot aussi, mais oui, carrément. Bravo, Elliot. Bonjour, je suis. Non, mais c'était le chef d'équipe, Bruno, quand même. Ouais. Elliot, t'es passé, mon gars. Coucou, père. Bonjour, ça Bonjour, va bien père. Oui. Ça va Elliot, Elliot est passé. On a fait un best-of des prestations d'Elliot pour l'émission. Ça dure 12 secondes. Bah, j'ai fini en zonzon, quoi. En zonze. En zonze, Elliot. Wesh, ma gueule. Vous êtes jeune, père Foura, alors. Et d'ailleurs, rediffusion de pour ceux qui ont raté notre Fort Boyard avec Elliot cet après-midi sur France 2. À 16h. Ouais. Avec les petits cris de Bruno. Ah oui, quand tu étais avec les serpents, Bruno. C'est ça qui sont magiques, ces cris. Tu cries jamais comme ça dans d'autres situations. Non, c'est moi aussi dans d'autres, mais bon, il y a très peu de gens qui le connaissent. Alors, c'est pas très masculin, mais c'est drôle. Hein. Il y a une explication à ça, les enfants. Ah. C'est que vous savez pas où on les a fait rentrer, les serpents. Non, c'est bon, on va partir maintenant. Justine, tu joues ce matin face à Claudio. Il habite en Vendée, les Essarts. Applaudissements pour Claudio. Salut, mon pote. Claudio, tu bosses dans l'agroalimentaire, c'est bien ça? Oui, en intérim. Très bien. Bah, et on souhaite que ça se transforme en CDI à un moment. Ouais, c'est très bien, ouais. Bah oui, c'est un petit peu la galère. Galère un peu, là. Ouais, oui, mais c'est la vie de maintenant. Voilà, intérim. Et puis au bout d'un moment, bah, le but, c'est de bosser tout le temps. Voilà, ça permet de multiplier les expériences. Alors, celui qui est intérimaire en tête du jeu des 30 secondes, c'est Elliot, puisque Elliot a gagné hier. Et donc, c'est la nouvelle règle cette année. Le gagnant devient le challenger, il revient le lendemain. Donc Elliot, quoi qu'il arrive, va jouer aujourd'hui. Maintenant, la question que je pose, c'est lequel de vous deux, Justine ou Claudio, veut jouer avec Elliot ? Ah, c'est moi, je joue le doublé, là. D'accord. Donc Claudio, tu choisis Elliot ? Ouais. Oui. Très bien. Merci Claudio. Alors Justine, il te reste à choisir un des membres de l'équipe. Ouais. Ben moi, je vais choisir le meilleur des plus mauvais joueurs du monde. Je vais choisir Vacher. Ah. Parce que moi, si je perds, je ferai marrer toute la France, hein. Bien vu. On peut pas commencer la saison sur une défaite. Je vous le dis. Alors, Je rappelle la règle du jeu des 30 secondes. Vous avez choisi quelqu'un de l'équipe, donc Elliot pour Claudio et Vacher pour Justine. Vacher et Elliot vont tenter en 30 secondes de vous faire deviner un maximum de mots. Celui de vous deux qui trouvera le maximum de mots repartira ce matin avec un iPad Air 2 que l'on vous offre à l'occasion de la sortie en DVD du film Le Chasseur et la Reine des Glaces. Et ce matin, qui va commencer? Oui, j'ai envie qu'on commence avec avec Vacher. Allez, ok. Alors, mais la pression, doute-t-il, vas-y. Ok, t'inquiète, ben, Juju. J'ai envie qu'on commence avec Vacher. Vacher ne connaît pas les mots à faire deviner. Il n'a pas eu le temps de se préparer. Il découvre la liste en même temps que toi, Justine. Et ouais, c'est à toi de jouer. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Top chrono, c'est parti. Alors, c'est après le lundi, c'est le... Paris. Ouais, c'est un truc, une émission de télé-réalité où faut cacher un truc aux autres, c'est... Secret Story. Ouais, tu bois dans un... Verre. Ouais. On n'est pas sorti de... Gauberge. Ouais. C'est quand tu fais... C'est un truc de vieux, c'est comme tricoter, mais t'as une machine, hein. Avec l'aiguille qui fait tac, tac, tac, tac. Une machine à coudre. Ouais. Ça peut être au chocolat. C'est un dessert, une... Au chocolat, non. Un dessert, une... C'est... Charlotte. Il y a de l'air dedans, c'est une... Mousse. Ouais, ouais, c'était mousse. Ah, c'est bien, et t'aurais dit le petit bonhomme en... Ah oui, oui, mais bien sûr, c'est oui. Trop, mais c'est pas mal quand même. Et si bonne réponse. Ouais, ouais, ouais. Joli, hein. Vous avez vu, quand j'ai fait la machine à coudre, tac, tac, tac, tac, comme ça, c'est bien fait, non? C'est arrêté. Même si le chrono est parti avec une demi-seconde de retard, monsieur. On l'envoie à la main. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on n'a plus la technique. Hein. On se démerde à faire l'émission à l'ancienne, mais c'est pas mal. Ça n'enlève rien à ton succès. Elliot, oui. Tu dois faire mieux que 6 avec Claudio. Est-ce que tu es prêt? Tu es le challenger. Allez, je vais essayer de rester sur mon trône. Claudio, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais, ouais. Top chrono, c'est parti. Alors, en dessous de la bouche, il y a le... Enfin, tu respires avec le... C'est au-dessus. Le nez. Ouais, ok. le contraire de malheur, c'est le... Bonheur. Ouais, ok. Au bowling, tu joues pour renverser des... Des quilles. Ok. Quand tu tapes avec des chaussures et que ça fait du bruit, c'est des... synonyme de tatane. C'est... Tu tapes... Tu tapes, hein, sur le sol, comme ça, là. Comme ça. Dribble. Comme The Artist, comme son du jardin. Ah, des claquettes. Oui, voilà. Il y a l'histoire est là. Putain, c'est pas compliqué, claquette. Pourquoi t'as pas dit The Artist plus tôt? Mais oui, mais tu surtout, t'es perdu, là. Pourquoi t'as sorti le mot tatane, mec? Qu'est-ce que t'as... Personne dit des tatanes. Et surtout... Tu dis ça au bled, quoi. Surtout, c'est extraordinaire. C'est la réponse de Claudio, qui fait donc des claquettes... En babouche. Et je peux vous dire que le dernier mec, bah, je l'ai connu, il s'appelait Ahmed. Il avait un spectacle de claquettes en babouche. Et c'était à côté de... Bah, pas loin de Marrakech. Ouais. Et il a eu un show, ça a duré une journée. Le gars en galère, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'il est en chômage. Et Elliot nous a quand même placé le nez sous la bouche. Oui, oui, oui, aussi. Et ben bah, avec ça, Claudio, t'étais mal barré. 4 bonnes réponses, ça ne sera pas suffisant. Justine, oh, c'est gagné! L'iPad R2 est pour toi avec un coffret DVD. On t'envoie ça très vite du côté de Caen, Justine, d'accord? Ah, c'est énorme, merci. Merci Bruno, merci à la famille. Je vous embrasse. Bisous, bisous, bisous, bisous, merci. On bisous. Fait d'énormes bisous. Et ça veut dire que demain, le nouveau challenger... Oh là. C'est vaché! Oh là là. Alors je vais essayer de battre le record de longévité d'Eliott qui est de 1 jour. commence pas. Réponse demain. J'espère. Je suis content d'avoir joué en tout cas. Rendez-vous dans un mois et demi. C'est ça. Vous écoutez Fun Radio, il y a Julie qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Bonjour Julie. Bonjour Bruno. Bonjour ma famille. Oui, je m'appellerai toujours Bruno cette année. Ouais, je peux comprendre que t'hésites parce que moi-même j'ai hésité. Je me suis dit, si je m'appelais Robert. Fais pas le con. Garde Bruno, les gens sont habitués. T'as eu une loose avec la SPA, tu vas nous expliquer ça sur Fun Radio. Et puis Kungs qui arrive, à tout de suite. Il y a le JPI qui va arriver sur Fun Radio. C'est le journal pour une image, c'est le faux journal de l'émission. Là, ce sera la dernière édition dans quelques secondes. Mais pour l'instant, on a eu un gros teasing là, sur Fun Radio ce matin avec Julie. Julie qui est donc à Lille, qui a 29 ans. Julie, rebonjour ma chérie. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Julie... Moi, tu sais, moi, je découvre l'émission comme les auditeurs de Fun Radio. Je vois Julie lose Elle a trouvé un chien dans la rue, elle a voulu appeler la SPA, mais là, c'est la honte. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais moi qui suis un peu auditeur de cette émission, même si je l'anime, je me dis, putain, j'ai envie de savoir. Julie, c'est quoi comme chien déjà? C'était un petit bâtard comme ça, je sais pas vraiment, il a pas de race. C'est un petit bâtard, c'est tout. C'est tout ce que t'as à dire, c'est un petit bâtard, c'est tout. Hein. Je connais pas sa race. C'est vrai que, c'est, on le dit, bâtard, c'est une insulte. Même pour un chien, il doit m'avoir le vivre. Bah hein, oui, ah pardon. Bâtard, t'as l'impression d'être dans Game of Thrones. Hein. C'est ça. Et je crois que les chiens entre eux, ils disent, ouais, vas-y, bâtard. Bâtard. Ouais. Jon Snow, le bâtard. Bon, et donc, alors, ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec ce yinche? Bah, du coup, je dis à ma copine, je vais appeler la SPA pour qu'ils viennent le chercher. Ouais. Et donc, j'appelle la SPA, donc je regarde sur Internet après le numéro parce que je connaissais pas. Et je téléphone. Et là, je dis à la gonzesse, voilà, j'ai trouvé un chien, il est tout seul, apparemment il est blessé, il faudrait venir le chercher. Julie. Oui. Ne me dis pas. T'as appelé un spa. Je suis sûr que c'est ça. Mais non. T'as appelé un spa. Je suis sûr que t'as appelé un spa. Bah, du coup, la pauvre fille, elle me dit, mais madame, je ne peux rien faire pour vous. Alors moi j'ai commencé à monter en vrille parce que je lui dis mais attendez vous foutez du monde, je dis vous êtes payé à faire quoi, je dis on vous donne des dons, vous êtes toujours là pour avoir des dons, vous êtes pas foutu de venir chercher un chien qui est blessé, mais je dis vous servez à quoi franchement, je fais c'est dégueulasse franchement, je vais mourir cette pauvre bête. Oh, je me dis, mais madame, elle fait, je peux rien faire pour vous, je fais un spa espace beauté. Ben quoi, les chiens ont bien le droit à une épilation du maillot, non? Oh, ouais. Il n'y a pas de soucis. Et tu l'imagines, l'éleveur de Chepal, avec son chien qui est dans un hammam, avec une serviette autour de la taille, qui est posé, tranquille. Tu l'imagines ou pas? Le chien dans le jacuzzi. Voilà, le chien dans le jacuzzi qui serait super tranquille, qui serait cool. Et pendant ce temps-là, tu vois Sabrina. Sabrina qui est dans un chenil, dans une cage, qui était venue pour se faire le maillot et qui se dit il y a comme un espèce de problème. Ça me fait rire, Julie, ça me fait rire. Très bonne anecdote, ma belle. Tu sais quoi, on va t'offrir l'agenda Fun Radio. Ah, c'est super gentil. Je te fais des bisous, mes Zizi. Moi aussi, je t'embrasse tous, vous êtes super génial et bonne rentrée à vous. Merci, bah, merci sais quoi, ma bichette. On essaye de la faire bonne cette rentrée, même si ce matin, le sort s'acharne sur nous. Car oui! Nous sommes depuis quasiment 2 heures maintenant en panne de l'ordinateur central qui est un petit peu le maître à penser de Fun Radio. Tout passe par cet ordinateur, les amis. Il est en panne depuis ce matin. Nous soupçonnons des radios concurrentes d'avoir truqué cet ordinateur, mais qu'à cela ne tienne, avec un bout de ficelle, oh oui, avec un vieux silex, avec un trombone, nous pouvons fabriquer des disques. Et ces disques, nous les passons. Alors certes, nous ne sommes pas sur un son extrêmement pur, mais musique, il y aura, car nous nous maintenons, nous restons debout, et nous serons debout toute l'année sur Fun Radio pour continuer à faire de cette radio la première radio dance floor de France. Alors bouge, même toi qui as des problèmes de jambes, et danse sur Kungs. Kungs, à l'instant sur Fun Radio, dans 5 minutes, 9h. Le JPI sur Fun Radio. Le JPI, c'est le journal pour en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et aujourd'hui c'est la Saint-Sacha. D'ailleurs, si Sacha Troupard de la 5e B du collège André Malraux m'écoute, tu me dois 10 francs, connard. Et pour commencer, football, l'Olympique de Marseille va être racheté par un milliardaire américain. Bon, bah, on va devoir changer les chants de supporters alors. Paris, Paris, we fuck you! Rentrée, avis aux élèves à 2 jours de la rentrée scolaire. La ministre de l'Éducation veut interdire les Pokémon rares dans les lycées et les collèges. Bon, alors par contre, pour ce qui est des pétards de bœufs et des vidéos porno, elle s'en fout, hein, vous pouvez toujours continuer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Loana. Anthony Bosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement avec Loana qui souffle ses bougies. Mmh. Bah, c'est rigolo, ça fait comme une baudruche, elle se dégonfle. Bon, bah, laissez-la se dégonfler jusqu'au bout alors. Ah ? Mmh. Ah bah non, fausse alerte. Bon, bah, je vous tiens au courant. Oui, bah, faites donc ça, Anthony, oui. Et pour finir, si vous aimez les dessins animés et les humoristes, découvrez Tom et Jerry. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. Il n'y a pas de... Je vous rappelle que depuis deux heures, nous avons un problème. Donc on gère à peu près. Et pour le JPI, on a géré à peu près, je trouve. Ah ça. Oui, oui. J'aime beaucoup les nouveaux chants de supporters de l'Olympique de Marseille. Ah bah c'est... Ouais, ouais. Mais vous allez avoir de l'argent comme Paris alors du coup maintenant, Marseille pas autant, pas autant. Pas autant, mais un petit peu quand même, un petit peu. Oh. Est-ce qu'on peut envoyer Soprano? Ouais, je vais le récupérer vite fait. Tu me le dis. Ouais. Attends, rien. Encore une fois ce matin, vous savez, on fait les trucs un peu comme on peut. Tout est en panne, on diffuse le disque de YouTube. Hein. Non, ça marche. Hein. Ah, ça marche. Ouais, c'est revenu à l'instant dans le JPI. Oh, ouais, surprise. Donc c'est le vrai Soprano avec le son d'une vraie radio. Ouais, le vrai. On arrête la web radio. Exactement. Oh, oh. Je suis ému. Je suis chaud, mardi 7 août, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 9h05, bonjour, bonjour. Vous avez choisi la première radio dance floor de France pour vous accompagner tout au long de cette année, pour changer vos matinées. Soyez les bienvenus, vous êtes déjà fidèles, vous savez comment ça se passe pour les autres. Tous les jours, vous aurez le meilleur du son dance floor, DJ Snake, AMT, Call Your Name, Jennifer Lopez, tous les matins, rejoignons la bannière Fun Radio, vous aurez la douce voix de Christina. Bonjour. Christina, c'est une jeune maman qui le matin parle de sa fille Romy, qui parle de son chéri qui travaille dans l'équipe et qui se livre à vous, dans laquelle vous pouvez lire comme dans un livre ouvert. Et elle a une petite moustache pour faire marque-page. Arrête. C'est un duvet. Hein. Méchant, mais... J'ai aucun poil sur ce corps. Vous allez... pas vous demander de vérifier, mais quand même. Vous allez découvrir Vaché. Vaché, oui. Vous ne le connaissez pas. Vous vous dites, mais c'est bizarre, Vaché, c'est pas un prénom. Non, c'est son nom de famille. Il a un prénom, c'est Grégory, mais il préfère qu'on l'appelle Vaché. Vaché, il s'est marié avec une Brésilienne il y a de cela un an et demi. Un mariage qu'on a vécu en direct sur Fun Radio. Car sur Fun Radio, nous faisons ça. Nous vous faisons rentrer dans nos familles. Et vous serez les témoins de la naissance du bébé de Vaché qui arrive au mois d'octobre. D'ailleurs, nous vous ferons gagner des places pour assister à l'accouchement. Oh, cool. Je l'ai mise en cloque, 1-0 pour la France. Ça continue, on va l'avoir le Brésil. Vous allez devenir ami avec Elliot, parce que comment pourrait-il en être autrement? Elliot, on a envie de le câliner. Bien sûr. On est entre deux coups de boule des fois. Wow, je fais les bonnes blagues comme vous aimez, comme vos amis. Parfois vos amis font des blagues, c'est pas les meilleurs, mais vous restez amis avec lui. Mais bien sûr. Et parfois ils font des phrases pas trop en français comme celle que je viens de faire, mais vous le comprenez quand même et vous l'aimez quand même, vous le chérissez quand même. L'équipe de Bruno dans la radio, c'est ça. C'est une équipe qui, chaque matin, se réveille. Se réveille et au garde à vous. Et quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, de 2015 à 2016 à 2017 et au-delà, nous serons là tous les jours avec vous sur Fun Radio. Même dans l'adversité. Par exemple, ce matin, tout le système informatique de Fun Radio est tombé en panne, s'est mis en berne, plus de disques. Plus de jingle. Certaines équipes de radio se seraient arrêtées. Certains animateurs auraient regardé leurs auditeurs en leur disant « Partez sur une autre radio, laissez-moi mourir ici, ça n'est pas grave. Je ne peux pas continuer ce métier. » Arrête, c'est juste un jingle, Patrick. Je n'ai pas de disque. Tu diras à ma femme que je l'aimais. Mais non, mais Patrick, arrête, c'est un jingle, c'est de la musique qui part pas, tu vas t'en sortir. Tu diras à mon fils que ma dernière pensée a été pour lui. Ça aurait pu se passer comme ça, mais sur Fun Radio, c'est différent. Sur Fun Radio, dans l'adversité, nous sommes les meilleurs. Et au bout du tunnel, nous avons vu cette lumière. Cette lumière qui nous a fait tenir cette émission ce matin. Vous savez que même le patron de Fun Radio m'a envoyé un texto que je vous lis en direct à l'antenne. Vas-y. C'est dans ces moments de crise que l'on mesure les grandes équipes. Alors là. Bruno, président. Bruno, président. On se croirait dans une production. Ce matin, nous avons vécu une production hollywoodienne. À 7h10, la technique de Fun Radio nous a appelé, ou plutôt nous avons appelé. Non, nous avons réveillé la technique de Fun Radio. En lui disant... Et Houston, on a un problème. Et on a géré, voilà, hop, depuis la base et tout. Et c'est vrai que dans les films, en général, ça finit toujours comme ça, à la fin. T'as le gars qui fait, on a rétabli la liaison, et on applaudit, mais tu sais, doucement, et après, tout le monde se lève. Et puis voilà, Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. save the queen. Et nous pouvons vous le dire puisque nous sommes connectés. Et je peux vous dire que la terre entière était pendue à nos lèvres en se disant mais comment vont-ils gérer le problème. Et même Teddy, notre fermier américain qui au volant de sa moissonneuse batteuse écoute tous les jours la matinale de Bruno dans la radio, quand il a entendu ce matin qu'il y avait un problème technique, il se le disait. Congratulations Bruno dans la radio. Félicitations Bruno dans la radio, au problème technique et pourtant je continue à rire dans mon camion. Bruno was there. C'est toujours là Bruno, tenez le manche, Bruno tenez le micro. I had a finger in my ass. Et là je me suis dit, il a mis le doigt sur le problème. Thank you. Et merci pour ça. Allez, c'est le top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top. Gracias mucho. Les 3 meilleurs moments de l'émission sont compilés par Eliott. C'est le top 3. Numéro 3. Oui, et je voudrais revenir sur le jeu de 6h10, Bruno. Le jeu de 6h10, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu... C'est tout au gagné, tout au perdu. Exactement, voilà, c'est un jeu magnifique et surtout, ça nous permet franchement d'être dans l'ambiance tout de suite dès 6h10. Ça permet de gagner des gros cadeaux et d'apprendre des choses. Et ce matin, on a appris quelque chose qui nous a un petit peu scotché. Moi, je crois que le mieux, c'est de rediffuser directement le début, le moment où tu veux poser la question et tu la découvres en la lisant. Les mammouths possédaient un clapet qui protégeait. Je vais faire cette question. Laissez-moi me concentrer deux secondes, monsieur. Moi, le mammouth, c'est majestueux. Les mammouths possédaient un clapet. J'y arriverai pas. Christina, pose-la pour moi. Elle est super. Dans la bouche de Christina, elle va être belle. Les mammouths possédaient un clapet qui protégeait, écoute bien, leur anus du froid. Moi, je dirais quoi. C'est pour pas que ça gèle, hein, parce qu'ils aimaient vraiment le très froid. Pour pas que ça gèle et qu'ils chient des icebergs. D'où l'expression se peler le cul. D'ailleurs, c'était pas rare. Il y avait le clapet en plein hiver quand il avait mangé un peu des haricots blancs, le mammouth. On entendait la porte qui s'ouvrait. Et puis après, il refermait derrière. C'était le clapet de l'anus. Faisait comme ça des machines à glaçons, les hommes préhistoriques. Ils arrivaient au cul des mammouths, hop, avec un verre, et hop, ils tiraient sur la queue, t'as des glaçons qui tombaient. C'était les premiers frigos américains de l'époque, des mammouths. D'ailleurs, après, l'histoire, vous la connaissez, mais c'est bien de le rappeler. Numéro 2. Numéro 2, il y a une petite nouveauté dans cette émission. L'auditrice du jour, donc en gros, on dédie l'émission à un auditeur le matin. Comme chaque jour à 6h. Mais la nouveauté, c'est que désormais, les auditeurs, tous les matins, le premier auditeur de la matinée a le droit de poser une question, même d'ordre personnel, à un membre de l'équipe. Exactement. Qui est obligé de répondre. Et ce matin, la question était destinée à Christina. On a demandé des nouvelles de sa fille, Romy. Voilà, bon problème c'est que Christina a répondu, mais elle a répondu n'importe quoi. Donc on s'est foutu de sa gueule. Et alors, il faut que tu le saches, en fait je l'ai retrouvée hier parce qu'elle était chez ses parents. J'étais au supermarché début juillet, j'étais au rayon légumes, merde elle est où? J'ai dit bon elle reviendra tôt ou tard. Et figure-toi qu'elle a gratté à la porte ce matin. Voilà. Et j'ai dit tu vois c'est pas bête un enfant, c'est comme les chats, ça retrouve le chemin. Mais non, elle était restée avec papy et mamie au Sable d'Olonne. Elle y était depuis 10 jours maintenant. Et sinon l'été s'est super bien passé. Elle nage maintenant, elle fait des châteaux de sable, elle parle non avec des brassards. Disons que je la jette à l'eau, puis je vois qu'elle bouge les bras et quand elle devient bleue, je la sors. Voilà. Le plus compliqué, ça reste de sortir du sac. N'importe quoi. Ah, Romy va bien. Oui, elle va très bien. Ouais. Elle rentre à l'école cette année ou pas? Non. Alors mon pédiatre m'a dit, faut pas être trop pressé, attendez l'année prochaine. Puis de toute façon, elle est pas propre. Elle fait caca partout. Elle est pas propre? Elle est pas propre. Comme RTL2. Le son pas propre non-stop. RTL2. Et je vois très bien. Allez, numéro 1. Numéro 1. Je vous ramène à la facture de 7h10. On a payé un week-end à Noirmoutier à Ferdinand. Pourquoi Ferdinand a acheté un week-end à Noirmoutier? C'était pour sa copine, pour la faire rêver. On forçait de constater que Noirmoutier... Moi, je trouvais que ça faisait pas rêver, mais Christina nous a dit que c'était magnifique. C'est magnifique, Noirmoutier. Oui, bon, il y a quoi, c'est quoi déjà que t'as dit? Le passage du Gois. Ah oui, ouais. Je crois que tu le dis dans l'extrait. Enfin bon, tout ça pour dire que ça a inspiré une chanson à Bruno. C'était du haut niveau. Je vous propose de réécouter ça tout de suite. Ta gueule, le Zénith, en fait. Si ça part pas au début, je remets au début parce que c'est tout est fait maison. Parce que là, je suis un peu comme chez moi, j'ai mon ordi, mais j'ai oublié de le caler au début. Alors, vous avez entendu la fin de l'extrait, c'est un peu comme si vous étiez fait spoiler. Je vous propose de tout oublier et d'écouter le début de l'extrait de la chanson de Bruno. Merci. Si vous y êtes jamais allé, il faut y aller pour découvrir ne serait-ce que le passage du Gois. Avec quoi ça m'inspire. Donnez-moi la guitare. Vas-y, je suis prêt. 1, 2, 3, 4. Noirmoutier. Quand je t'ai rencontré, je m'ai dit, je vais te faire rêver. Alors, où t'emmener? compliqué. Tu m'as dit je veux voir le passage du bois. Je t'ai dit quoi? Allez, on y va. Où ça? À Noirmoutier. Attention avec moi le public. Noirmoutier. Allez. Où ça? Noirmoutier. Où ça? Noirmoutier. Je t'entends pas, toi le zélite. Noirmoutier. Non, ferme ta gueule le zélite en fait. Et alors, le vrai délire, c'est que tout ça, bien entendu, a été improvisé. Hein. Bah oui, ah bah oui. Quand même. Bah, c'est pour oui, ça qu'on ça n'existe pas. Des chansons sur Noirmoutier écrites, on peut chercher, il y en a pas. C'est pas prévu. Bon, les amis, 9h15. Gloire au Châtelain! Gloire au Châtelain! Et bah ça, tu vois, ça m'a manqué pendant 2 mois. Et bah, ça m'avait manqué aussi, Mika, même si nous nous sommes vus cet été, voilà, puisque... Ouais, mais quand même, on se voyait, tu me faisais la bise, mais il n'y avait pas de gloire au Châtelain, quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mika, évidemment, ouais. C'est un Châtelain qui pratique le cheval, l'équitation. Merci à Mika et sa famille pour ses médailles d'or aux Jeux Olympiques. C'est grâce à l'équitation qu'on a eu un si beau palmarès. C'est vrai. On va vous laisser, j'aurais quand même, parce que en parlant, il y a Vaché qui vient de lever les bras en parlant de toi, Mika. Et au moment encore de... Je pense que si on faisait un gros plan caméra sous les bras de Vaché, on voit en ce moment des acariens qui sont en train de se baigner, puisque les bras de Vaché, les sous-bras de Vaché, pour des petites bêtes microscopiques qu'on ne voit pas, c'est une destination de vacances avec une plage. Et visiblement, il y a des acariens qui font du surf. Je vois qu'ils font du wakeboard. Mais donc, non, mais je suis stressé. Il y a des gens qui suent sous les bras, mec. Toi, c'est... Bah, en fait, il faut que tu mettes des aqueducs entre ton torse... Oh, le mot aqueduc, quoi. Je veux dire la vérité, ça dépend du textile. Ouais. Ce t-shirt est un peu épais. Mmh. Ça dépend aussi du déodorant. C'est-à-dire qu'avant, je mettais de la bille. C'est de l'antitranspirant. Mais on m'a dit, c'est pas bien, parce que tu retiens ta transpiration et tu risques d'avoir des problèmes de santé. C'est encore un truc de végétarien, ça. Et, Voilà. Voilà. Allez, tu sais quoi? Je voulais parler de la bière d'Alain. On va laisser. Je voulais parler de la bière d'Alain. Mika nous accompagne jusqu'à midi, on revient demain. On attaque avec AMT dans quelques secondes et DJ Snake sur Fun Radio pour attaquer le 9h midi. Bisous la famille. Bisous les fionfions. Bière d'Alain. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Fun Radio.